Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Les viaducs de Seine-et-Oise. Ce fut une pièce de théâtre signée Marguerite Duras, publiée et jouée en 1960. L'amante anglaise. Ce fut tout d'abord un roman, publié en 1967, puis une pièce de théâtre, créée l'année suivante. Les viaducs de Seine-et-Oise, l'amante anglaise, deux versions d'une même histoire, inspirées d'un fait divers des années 50. Où est la tête? Qui aurait-elle dû tuer dans la logique de sa folie? Où le crime a-t-il été commis? Dans la forêt? Ou dans la cave à 4h du matin? Pourquoi des débris humains sont-ils découverts dans différentes gares en France? L'amante anglaise de Marguerite Duras, voici la version radiophonique diffusée sur France Culture un an avant sa création au théâtre, le 29 mars 1967. France Culture présente « L'amante anglaise » de Marguerite Duras avec Lolé Bellon, qui sera Claire Lame, Michel Bouquet, Pierre Lame, François Chaumette, sociétaire de la Comédie Française, l'interrogateur, François Mestre, l'homme, Françoise Gode, la jeune fille, Jean-Jacques Stein, Alfonso, Jean Clarieux, Robert Lamy, Philippe Moreau, La Voix. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Un crime vient d'être commis à Viorne, en Seine-et-Oise. Votre femme, Claire Lane, dit être l'auteur de ce crime. Elle a avoué au café Le Balto, le soir du 13 avril dernier, en présence de différentes personnes, dont vous. Un livre va être fait sur le crime de Viorne. Ce livre doit se faire seul, à partir de certains témoignages. Je vous ai fait venir pour vous interroger sur votre femme. Vous seriez libre de répondre ou non aux questions. J'accepte. Vous voulez bien dire qui vous êtes? Je m'appelle Pierre Lane, j'ai 57 ans. Je suis originaire de Cahors. Vous êtes fonctionnaire au ministère des Finances. Vous habitez Viorne depuis 1949. Enfin, depuis 17 ans. Oui. À part 2 ans à Paris après notre mariage, nous sommes toujours restés ici. Vous êtes marié à Claire Bousquet à Cahors en 1947. Oui. Vous savez sans doute par l'instruction qu'elle dit avoir agi seule et que vous n'étiez au courant de rien. C'est la vérité. Vous avez tout appris en même temps que la police. Oui, j'ai tout appris lorsqu'elle a avoué au café Le Balto le soir du 13 avril. Je voudrais que vous me répétiez ce qu'elle vous a dit pour justifier l'absence de sa cousine. Marie-Thérèse Bousquet. Elle m'a dit, tu sais, Marie-Thérèse est repartie pour Cahors très tôt ce matin. C'était vers 8h, quand je me suis levé. Vous l'avez cru? Je n'ai pas cru qu'elle disait toute la vérité, j'ai cru qu'elle en disait une partie. Je n'ai pas cru qu'elle mentait. Vous avez toujours cru ce qu'elle vous racontait? Oui, ceux qui la connaissaient la croyaient. Je croyais que si autrefois elle m'avait menti sur certains points de son passé, maintenant elle ne me mentait plus du tout. Sur quel passé? Celui d'avant notre rencontre. Mais c'est loin, ça n'a rien à voir avec le crime. Vous n'avez pas été étonné par le départ de votre cousine? Si, j'ai été très étonné. Mais j'avoue que j'ai surtout pensé à la maison, à ce qu'elle allait devenir pendant son absence, une catastrophe. Je l'ai questionnée. Elle m'a raconté une histoire qui tenait debout. Elle m'a dit que Marie-Thérèse était partie voir son père, qu'elle voulait le revoir avant sa mort, qu'elle reviendrait dans quelques jours. Ces quelques jours passés, vous lui avez rappelé la chose. Oui. Alors elle m'a dit, on est aussi bien sans elle, je lui ai écrit de ne pas revenir. n'ai pas répondu. Vous l'avez encore cru? J'ai cru qu'elle me cachait quelque chose, mais je n'ai pas cru qu'elle me mentait, toujours pas. Je n'ai pas cherché à savoir toute la vérité. Le départ de Marie-Thérèse Bousquet était un événement trop pénible pour moi. Mais plusieurs suppositions vous ont traversé l'esprit. Oui. La seule que j'ai retenue était celle-ci, que Marie-Thérèse était partie parce qu'elle avait eu assez de nous, de Viorn, de la maison, qu'elle n'avait pas osé nous le dire. Qu'elle ait choisi le prétexte de revoir son père avant qu'il meure m'a paru une façon délicate de nous quitter. Quelles autres suppositions auriez-vous pu faire, connaissant Marie-Thérèse? Qu'elle avait pu partir avec un homme, un Portugais. Les Portugais s'en fichaient qu'elle soit sourde et muette. Ils ne parlent pas le français. Et avec Alfonso aurait-elle pu partir? Non. Même avant, non. Ça n'a jamais été sentimental, ce qu'il y a eu entre Marie-Thérèse et Alfonso. C'était une sorte de commodité, vous comprenez. Ce que je n'ai pas pensé du tout, c'est qu'elles avaient pu se disputer toutes les deux, Claire et Marie-Thérèse. Qu'est-ce que vous avez compté faire? Je comptais m'arranger pour faire mettre Claire dans une maison de repos avant d'aller à Cahors rechercher Marie-Thérèse. De cette façon, j'aurais pu annoncer la nouvelle à Marie-Thérèse, lui dire que j'étais seul et que le travail serait moins dur. Et si Marie-Thérèse Bousquet avait persisté à ne pas vouloir revenir, malgré le départ de Claire? J'aurais pris quelqu'un d'autre. Il aurait bien fallu. Je ne peux pas tenir ma maison tout seul. Mais en vous débarrassant de Claire de la même façon qu'en reprenant Marie-Thérèse? Oui. Une personne nouvelle n'aurait pas du tout supporté la présence de Claire dans la maison. C'est pour ces raisons que vous n'avez pas insisté pour en savoir davantage sur le départ de Marie-Thérèse? Peut-être. Mais il y a aussi que je l'ai très peu vue pendant ces 5 jours. Il faisait beau, elle est restée dans le jardin. C'est moi qui suis allé faire les courses en rentrant du travail. Elle ne mangeait pas? Non, elle ne voulait pas. Je crois qu'elle mangeait la nuit. Fallait bien qu'elle mange quelque chose. Un matin, j'ai vu que le pain avait diminué. Elle était très abattue pendant ces 5 jours? Je la voyais très peu, je vous dis. Elle était toujours dans le jardin. Une fois, oui, je l'ai trouvée endormie sur le banc, elle paraissait exténuée. Le lendemain, elle est allée à Paris. Je l'ai trouvée tout habillée vers 2 heures de l'après-midi, elle m'a dit qu'elle allait à Paris. Elle est revenue tard, vers 10 heures du soir. Elle allait rarement à Paris? Depuis quelques années, oui, très rarement. À part ce voyage à Paris pendant ou après le crime, elle a passé ses journées dans le jardin. Oh, elle a toujours passé beaucoup de temps dans ce jardin. Alors quelle est la différence? C'est-à-dire aucune. Sinon qu'il n'y avait plus d'heure dans la maison depuis qu'il n'y avait plus Marie-Thérèse et qu'elle pouvait y rester autant qu'elle voulait jusqu'à la nuit. Vous ne l'appeliez pas? Je n'avais plus envie de le faire. J'avoue qu'elle me faisait un peu peur depuis quelque temps. Depuis qu'elle avait jeté le transistor dans le puits. Je croyais que c'était la fin. Vous l'avez revue depuis qu'elle est arrêtée? Oui. Le lendemain, je suis allé à la prison, on m'a laissé la voir. Quel effet vous fait-elle maintenant? Je ne comprends plus rien. Même à moi-même. Vous aviez peur de quoi? En l'absence de Marie-Thérèse, j'avais peur de tout. Elle la surveillait? Ah oui, bien sûr. Il le fallait. Oh, gentiment, n'ayez crainte. J'avais peur qu'elle fasse un scandale, qu'elle se supprime. Vous aviez peur qu'elle se supprime ou bien vous l'espériez? Je ne sais plus. Cette scène au Balto, où vous avez tenu des propos curieux, l'en souvenez-vous bien? Oui, très bien. Je ne comprends pas encore ce qui m'a pris. Vous croyez qu'elle agit toute seule ou quelqu'un l'a aidée? Oh, je suis sûr. Seule? Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Elle a dit avoir rencontré Alfonso une fois vers 2 heures du matin quand elle allait au viaduc avec son sac. Alors, je ne sais pas. On a interrogé Alfonso avant son départ? Oui, il a nié l'avoir rencontré depuis le crime. Mais il dit qu'il l'a rencontré souvent dans le village la nuit, et cela depuis des années. C'est vrai? Ce n'est pas possible. À moins qu'Alfonso ne dise pas la vérité. Non, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Pourquoi, d'après vous, a-t-elle dit qu'elle avait rencontré Alfonso? Elle l'aimait beaucoup. Alors, normalement, elle aurait dû ne rien dire là-dessus pour lui éviter des ennuis. Je ne sais pas. Est-ce que vous compreniez qu'elle ait de l'affection pour Alfonso? Bon, c'était un brave homme, mais qui vivait dans une cabane dans le bois, en haut, vous savez. Il ne parlait pas beaucoup, lui non plus. Il est d'origine italienne, célibataire. On disait Alfonso un peu simple. Vous comprenez, elle devait imaginer des histoires sur lui sans ça. Non, je ne m'explique pas qu'elle lui ait été aussi attachée. Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Vous vous êtes renseigné? Maintenant, on dit ce qu'on dit toujours. Qu'un jour ou l'autre, elle devait passer aux actes. Enfin, vous voyez. Mais personne ne dit que vous avez été malheureux avec elle. J'ai toujours caché la vérité. Qu'est-ce qu'elle faisait? Dans le jardin ou dans sa chambre? Pour moi, elle devait dormir. Vous n'alliez jamais la voir, lui parler? Non. Je n'y aurais même pas pensé. Mariés depuis longtemps, on ne se parle plus beaucoup, mais nous, encore moins que les autres. De temps en temps, c'était quand même nécessaire que je lui parle pour les gros achats, les réparations de la maison. Je la mettais au courant, j'y tenais. Elle était toujours d'accord, remarquez, surtout pour les réparations. Un ouvrier dans la maison, ça lui plaisait beaucoup. Elle le suivait partout, elle le regardait travailler. Parfois même, c'était un peu gênant pour l'ouvrier. Enfin, le premier jour, après il la laissait faire. Au fond, c'était une espèce de folle qu'on avait dans la maison, mais tranquille. C'est pourquoi on ne s'est pas méfié assez. Vous voyez, c'est à ce point que je me suis demandé si elle n'avait pas tout inventé. Si c'était bien elle qui avait tué cette pauvre fille. Oh, c'est elle, les empreintes digitales Concorde, c'est irréfutable. Oui, je sais. Elle dit qu'une fois, elle n'a pas précisé quand c'était. Elle vous a demandé s'il vous était déjà arrivé de rêver que vous commettiez un crime. Vous vous en souvenez? Le juge m'a posé la question. Il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Un matin. Je me suis souvenu vaguement qu'elle m'avait parlé d'un rêve de crime. J'ai dû lui répondre que ça arrivait à tout le monde, que ça m'était arrivé à moi aussi. Et vous disiez la vérité quand vous disiez que cela vous était arrivé à vous aussi? Oui. Une fois surtout. Un cauchemar. Qui était-ce dans ce cauchemar? C'est un peu ce que j'ai raconté dans le café de Bill, le balto, le soir où elle a avoué. J'appuyais sur un bouton, tout sautait. Et... Vous n'êtes pas forcé de répondre, je vous le rappelle. Je sais. Mais il faut bien une fois. C'était Marie-Thérèse Bousquet. Mais en même temps, dans le cauchemar, je pleurais parce que je m'apercevais que je m'étais trompé de personne. Je ne savais pas clairement qui devait mourir, mais ce n'était pas Marie-Thérèse. Il me semble que ce n'était pas ma femme non plus. Vous n'avez pas cherché à vous rappeler qui c'était? Si, mais je n'ai pas réussi. Ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer. Pourquoi me questionnez-vous là-dessus? Je vous rappelle que vous n'étiez pas forcé de répondre. J'essaye de savoir pourquoi votre femme a tué Marie-Thérèse Bousquet. Je remarque que vous avez tué tous les deux la même personne, vous en rêve, elle en réalité. Celle qui me voulait le plus de bien. Mais moi, je savais que je me trompais. L'erreur devait faire partie de votre rêve de crime. C'est tout de suite après que vous avez dû la corriger. Mais comment ? À mon avis, par un deuxième rêve. Vous avez dû faire un deuxième rêve où vous avez pleuré. C'est possible. Je n'y suis pour rien. Bien sûr. D'ailleurs, vous n'avez pas dû commettre le même crime, votre femme et vous, à travers Marie-Thérèse. Que ce soit en rêve ou en réalité, vos véritables victimes devaient être différentes. Dans ce récit imaginaire que vous avez fait le soir de l'aveu, qui c'était ? Ce n'était plus personne. C'était la forme du rêve seulement. Est-ce que vous avez parlé de ce rêve à votre femme ? Je veux dire dans le détail. Non, surtout pas, non. Pourquoi ? Je ne lui racontais rien de pareil. Si je lui ai dit qu'il arrivait qu'on rêve de crime, c'est parce qu'elle m'avait questionné. De moi-même, je ne lui aurais rien dit. Et puis... Oui ? Elle était indiscrète. Elle ne comprenait pas qu'il y avait des choses à ne pas dire. Si je lui avais raconté mon rêve de Marie-Thérèse, elle aurait été capable d'en parler à table devant elle, la pauvre. Elle n'entendait pas ? Elle comprenait tout au mouvement des lèvres, tout. Vous le savez quand même. Je devais le savoir, oui. Elle, une explication suffisait. Elle avait beaucoup de mémoire. Tandis que ma femme oubliait tout du jour au lendemain. Il fallait recommencer à tout lui expliquer d'un jour à l'autre. J'ai été un homme très seul avec elle. Maintenant que tout est fini, je peux bien le dire. Elle n'oubliait pas tout de la même façon ? Non, bien sûr, je simplifie. Elle avait sa mémoire à elle. De Cahors, par exemple, elle se souvenait comme si elle l'avait quitté la veille. Oui, c'est vrai. Vous la trompiez beaucoup ? Tous les hommes l'auraient trompée. Je serais devenu fou si je ne l'avais pas trompée. D'ailleurs, elle devait le savoir. Et ça lui était égal. Et elle, de son côté ? Oh, je ne crois pas qu'elle m'ait trompé, jamais. Non par fidélité, mais parce que pour elle, tout se valait. Même au début, quand... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. J'avais le sentiment qu'un autre aurait été à ma place s'il aurait fait l'affaire sans différence pour elle. Et elle aurait donc pu passer d'un homme à l'autre tout aussi bien. Oui, mais tout aussi bien. Elle pouvait rester avec le même. J'étais là. Vous pouvez me donner un exemple de ce qu'elle comprenait le moins ? Les choses de l'imagination, elle ne les comprenait pas. Une histoire inventée, racontée dans un livre, par exemple, on n'arrivait pas à lui faire admettre qu'elle n'avait jamais existé. C'était une enfant, par certains côtés. La télévision, elle la comprenait, à sa façon, bien sûr. Mais au moins, elle ne posait pas de questions. Elle lisait le journal. Elle prétendait qu'elle lisait, mais je n'en suis pas sûr. Elle lisait les titres. Et puis elle le posait. Moi qui la connais bien, je vous dis qu'elle ne lisait pas le journal. Elle faisait semblant. Non, non, elle ne faisait pas semblant. Elle ne faisait semblant de rien, même pas. Elle croyait qu'elle lisait le journal, c'est différent. Une fois, il y a 20 ans de ça, elle s'était mise à lire avec passion. Vous savez, ces bêtises, ces petits illustrés pour les enfants. Et puis après, plus rien. C'est vrai que c'est à cause de moi qu'elle a cessé d'en lire. Ça m'avait agacé, effrayé. Elle les chipait dans les pupitres des élèves quand elle était femme de service à l'école. Je lui avais interdit d'en rapporter et puis, comme elle avait continué, je les avais déchirés. Après, elle s'est découragée. Après, elle aurait pu en lire autant qu'elle aurait voulu, ça m'aurait été égal. Seulement, elle avait perdu le goût. Enfin... Que c'est triste. Que c'est triste. Pauvre petite. Qui ? Claire, ma femme. Un jour, je l'ai forcée à lire un livre. C'était vers cette même époque des Illustrés. Je l'ai forcé à me lire un livre à voix haute. Un peu chaque soir. C'était des récits de voyage, je me souviens très bien. Un livre instructif et amusant à la fois. Ça n'a rien donné. J'ai abandonné au milieu du livre. La moitié de ce livre, c'est tout ce qu'elle a dû de sérieux dans sa vie, je crois bien. Vous avez fait quelles études ? J'ai la première partie du baccalauréat. J'ai passé un concours. Je suis vérificateur à l'enregistrement. J'ai dû abandonner mes études parce que mon père est mort. Mais j'ai toujours essayé de me tenir au courant. J'aime la lecture. Est-ce que vous pourriez dire d'elle qu'elle est sans intelligence aucune ? Ah non, je ne le dirai pas. Quelquefois, elle avait des jugements justes. Tout d'un coup, sur quelqu'un, elle faisait une remarque qui étonnait. Il lui arrivait aussi, dans des crises, d'être très drôle. Quelquefois, elle faisait les folles avec Marie-Thérèse. Alors, je vous parle du début, quand Marie-Thérèse venait d'arriver chez nous. Que c'est loin. Quelquefois aussi, elle parlait d'une façon curieuse. Je me souviens de deux ou trois choses sur les fleurs du jardin. Elle disait, la menthe anglaise est maigre, noire. Elle a l'odeur du poisson. Elle vient de l'île des Sables. Qu'auriez-vous fait si vous aviez continué vos études ? Oh, j'aurais aimé rentrer dans l'industrie. Vous avez dit qu'elle était sans imagination ou ai-je mal compris ? Ah, vous avez mal compris. J'ai voulu dire qu'elle ne comprenait pas l'imagination des autres. Son imagination à elle, c'est sûr, c'est certain, était très forte. Vous ne connaissiez rien de cette imagination ? Presque rien. Ce que je crois pouvoir dire, c'est que les histoires qu'elle inventait aurait pu exister. Elle ne souffrait pas de vieillir, à votre avis ? Ah non, pas du tout. C'était son meilleur côté. Ça réconfortait, quelquefois. Comment le saviez-vous ? Je le savais. Que diriez-vous d'elle ? Dans le sens de savoir si elle était intelligente ou non ? Oui, si vous voulez. Que rien ne restait en elle. Que c'était impossible qu'elle apprenne quoi que ce soit. Essayez de préciser. Qu'elle n'avait nul besoin d'apprendre quoi que ce soit. Qu'elle ne pouvait comprendre que ce qu'elle pouvait expliquer par elle-même. Comment, je n'en sais rien. Elle était comme fermée à tout et comme ouverte à tout. On peut dire les deux choses. Rien ne restait en elle. Elle ne gardait rien. Elle fait penser à un endroit sans porte où le vent passe et emporte tout. Pourrait-on dire qu'elle était sans curiosité aucune ? Non plus. On pourrait dire que sa curiosité était à part. Les gens l'intriguaient en bloc et non pas dans le détail de ce qu'ils pouvaient dire ou faire. Pendant tout un temps, Marie-Thérèse l'a intéressée de cette façon. Au début, surtout, Alfonso aussi. Elle devenait Alfonso ou Marie-Thérèse. Oui, elle coupait du bois pendant deux jours pour faire comme Alfonso, ou bien elle se mettait de la cire dans les oreilles pour être comme Marie-Thérèse. Oui, il aurait fallu la voir. C'était difficile à supporter. Est-ce qu'elle ne voyait pas les autres comme incomplets, vides, avec l'envie de les remplir, les finir, avec ce qu'elle inventait, elle ? Oh, je vois ce que vous voulez dire. Non. Non, ça aurait été plutôt le contraire. Elle devait voir les autres comme s'ils avaient été impossibles à connaître par les moyens habituels. La conversation, le sentiment. Vous voyez, quand je l'ai rencontrée, je l'ai aimée pour cette raison-là. J'y ai pensé beaucoup, j'en suis sûr. Et quand je me suis détaché d'elle, quand je suis allé vers d'autres femmes, c'était aussi pour cette raison, la même. Elle n'avait pas besoin de moi. Pour me connaître, elle pouvait se passer de moi. Elle était pleine de quoi ? Dites le premier mot qui vous vient à l'esprit. Je ne sais pas, je ne peux pas. D'elle ? Mais elle qui ? Je ne sais pas. Ça vous ennuie ou ça vous intéresse de parler d'elle ? Oh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus que je n'aurais pensé. Peut-être parce que tout est fini. On lui a posé la même question ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Elle n'écrivait jamais de lettres, n'est-ce pas ? Elle a écrit aux journaux, autrefois, je le sais. Mais depuis 10 ans, peut-être 15, je crois qu'elle ne l'a plus fait. Elle ne devait presque plus savoir écrire. À cet homme, l'agent de Cahors ? Comment connaissez-vous son existence ? Elle en a parlé au juge d'instruction. Non, je ne crois pas. Non, même au début, je ne crois pas. Imaginez qu'elle pouvait écrire à quelqu'un, donner des nouvelles, en demander, c'est impossible quand on la connaît. Aussi impossible que de l'imaginer en train de lire un livre. Tandis qu'aux journaux, elle pouvait écrire tout ce qui lui passait par la tête. Elle n'a jamais revu cet agent après son mariage avec vous ? À ma connaissance, non, jamais. Elle avait été très malheureuse avec lui, je crois qu'elle voulait l'oublier. Quand ? Quand elle m'a connu, elle voulait l'oublier. Et c'est pour l'oublier qu'elle s'est mariée ? Je ne sais pas. Pourquoi l'avez-vous épousée ? Je suis tombé amoureux d'elle. Physiquement, elle me plaisait beaucoup. Je peux dire que j'étais fou d'elle de ce point de vue. Ça m'a sans doute empêché de voir le reste. Le reste ? Son caractère tellement bizarre. Sa folie. Avez-vous réussi à lui faire oublier l'agent de Cahors, à votre avis ? Je ne crois pas. C'est le temps, à la longue. Ce n'est pas moi. Et même si c'était moi, je ne l'ai pas remplacé. Ne vous en parlez jamais ? Jamais. Mais je savais qu'elle y pensait. Au début, surtout. Mais qu'en même temps, elle voulait l'oublier. Je le savais aussi. C'est à cause de lui qu'on n'est jamais allé passer nos vacances à Cahors. On m'avait dit qu'il avait cherché à avoir son adresse. Je me méfiais. Vous teniez donc à ne pas la perdre ? Oui, malgré tout. Oui. Même après les premiers temps du mariage. Vous ne lui avez jamais parlé de l'agent de Cahors ? Non. Elle vous avait demandé de ne pas lui en parler ? Non. Il n'y avait pas de raison pour que je lui en parle. Pour m'entendre dire qu'elle l'aimait encore, ce n'était pas la peine. Vous êtes d'un caractère à éviter de parler de ce qui vous fait souffrir. Oui, je suis ainsi. Vous saviez qu'elle avait essayé de se tuer à cause de lui, qu'elle s'était jetée dans un étang ? Je l'ai appris 2 ans après notre mariage. Vous ne lui en avez pas parlé à elle ? Non. Votre attitude avec elle n'a pas été modifiée ? Si, dans le mauvais sens, forcément. Je savais qu'elle ne se serait pas tuée si moi je l'avais quittée. Vous n'avez jamais pensé à le faire ? Si, mais jamais assez sérieusement pour le faire vraiment. Est-ce que vous auriez pensé que c'était une femme capable de se suicider avant de la prendre ? Ça ne m'a pas tellement frappé de la prendre. Alors, c'est que je devais l'en croire capable. Pourquoi ne l'avez-vous jamais quitté ? Ce que j'avais à lui reprocher n'était pas un motif suffisant de divorce. Elle tenait mal la maison, mais très vite Marie-Thérèse est venue. Ça n'a plus été un problème. Il y a eu une période où je l'aimais encore trop pour la quitter. C'est quand je souffrais le plus de son indifférence à mon égard. Ensuite, pendant des années, j'avais commencé à avoir d'autres femmes. Cette indifférence, au lieu de me faire souffrir, me charmait, m'attirait. Elle a gardé longtemps des manières gracieuses, un sourire de jeune fille. Ensuite, ça a été fini. Vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens. Oui, de mon fait à moi. Aviez-vous peur de ce qu'elle aurait fait si vous l'aviez quittée? Non, pas du tout. Elle serait sans doute retournée à Cahors, peut-être dans cette laiterie. Il n'y aurait pas eu de quoi avoir peur. Peut-être que je n'ai jamais rencontré de femme que j'aime assez pour la quitter, elle. J'ai cru le contraire une ou deux fois, mais maintenant, avec l'éloignement, je sais que je n'en ai aimé aucune comme je l'ai aimée, elle. Elle ne le sait pas. Il y a maintenant 19 ans. Comme dans une autre vie. Vous regrettez de l'avoir épousée quand vous pensez à votre existence? Oh, que je le regrette ou non, maintenant plus rien ne compte. Mais le regrettez-vous? Je regrette tout ce que j'ai fait. Mais elle plus que le reste? Non. J'ai eu avec elle des moments de bonheur personnel que je ne peux pas regretter. C'est à elle seulement que vous vous intéressez à travers tout ce que je peux vous dire, n'est-ce pas? Oui. À cause de ce crime seulement? C'est-à-dire que ce crime a fait que je m'intéresse à elle. Parce qu'elle est folle? Plutôt parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais accommodé de la vie. Ah, ça ne sert à rien, ce sont des mots. On ne peut pas revenir en arrière. Ce que vous venez de dire là fait partie de votre langage habituel, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a jamais rien eu entre Marie-Thérèse et vous? Mettons que ça m'ait traversé l'esprit quelquefois, mais sans plus. Je n'étais pas un homme à avoir des histoires de ce genre. Des histoires de ce genre? Oui, je veux dire avec quelqu'un qui travaillait chez moi et qui de plus était la cousine de ma femme. C'était très facile avec Marie-Thérèse, on a dû vous le dire. On m'a dit qu'on l'avait souvent vue avec des Portugais le soir dans la forêt. Si on vous demandait quel rôle vous avez eu dans la vie de Claire Bousquet, que répondriez-vous? Je n'en vois pas. Que serait-elle devenue si vous n'aviez pas épousé? Oh, un autre homme l'aurait épousée. Elle était charmante, vraiment. Elle aurait eu la même vie, de ça je suis sûr. Elle aurait découragé tous les hommes comme elle m'a découragé. Ils l'auraient sans doute quitté, eux. Mais elle en aurait retrouvé d'autres, de cela aussi, je suis sûr. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'elle m'avait menti sur certaines choses de son passé. Oui. C'était justement sur ce point qu'avant notre rencontre, elle avait eu beaucoup d'amants. Tout de suite après son suicide? Oui, pendant 2 ans. Je n'en savais rien, je l'ai appris après le mariage. Un autre que moi... Enfin, pas mal d'autres à ma place auraient pensé que l'ayant épousée, il l'avait sauvée, que c'était là le rôle qu'ils auraient joué dans sa vie, le seul sans doute. Ne vous arrivez jamais d'y penser? Dans les mauvais moments, oui, mais je le disais aux autres femmes, mais j'étais de mauvaise foi. Je savais bien qu'on ne sauve pas quelqu'un qui se fiche d'être sauvé ou non. Je l'aurais sauvé de quoi? Pour lui donner quoi? Je n'ai pas de préjugés contre les putains ou les femmes qui font la vie. Si personne ne l'avait épousée, elle aurait continué à coucher avec tout le monde jusqu'à la vieillesse et à travailler comme une abrutie dans sa laiterie. Et alors? Maintenant, je pense que ce n'aurait pas été plus mal. Ça aurait été mieux? Oh, pour elle. Cette vie-là ou une autre. Elle se serait contentée de n'importe quoi. Rien ne l'aurait fait changer. Et un jour, il y aurait eu cette horreur. Même avec l'agent de Cahors, je suis sûr qu'elle n'avait pas d'idée sur la vie qu'elle aurait voulu avoir avec lui. Les gens de Vierne, les commerçants, vos voisins, disent qu'il n'y avait apparemment jamais de drame entre vous. C'est vrai, jamais, même pas. Après l'arrivée de Marie-Thérèse, que faisait-elle dans la maison? De moins en moins de choses. Mais quoi? Un jour sur deux, elle faisait les courses. Elle faisait sa chambre, uniquement sa chambre. Elle l'a toujours faite très bien, à fond, tous les jours. Trop. Elle faisait sa toilette très longuement. Ça lui prenait au moins 1 heure le matin. Pendant des années, elle s'est beaucoup promenée, soit à Viorne, soit à Paris. Elle allait au cinéma à Paris. Ou bien elle allait voir Alfonso couper du bois. Elle regardait la télévision. Mais pendant les dernières années, dès le printemps, elle passait tout son temps dehors, assise sur le banc à ne rien faire. Rien. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Marie-Thérèse faisait très bien la cuisine. À mon avis, c'était une excellente cuisinière. Sa cuisine était meilleure qu'aucune autre. Oui, j'étais souvent dehors, je pouvais comparer. C'était chez moi que je mangeais le mieux. Votre femme appréciait-elle la cuisine de sa cousine ? Oh, je crois, oui. Elle n'a jamais rien dit là-dessus. Jamais Marie-Thérèse Bousquet n'a pris de vacances ? Non, jamais. La vraie maîtresse de maison, c'était elle. Elle était chez elle, elle décidait de tout, des menus, des réparations à faire. Partir pour elle, ça aurait été abandonner sa maison à Claire, cette souillon. Depuis 17 ans, Claire, votre femme, mangeait donc la cuisine de Marie-Thérèse Bousquet. Oui, pourquoi ? C'était une bonne cuisine. Très bonne même, et variée, saine. Il n'y avait jamais de drame non plus entre les deux femmes. Bien sûr, je ne pourrais pas tout à fait vous l'affirmer. Je les laissais toute la journée seules, toutes les deux, et souvent plusieurs jours d'affilée, comme je vous l'ai dit, mais je ne crois pas. Cherchez bien. Je cherche. Non, je ne vois pas. Et comment en parlait-elle ? Normalement. Quelquefois, quand elles étaient plus jeunes, je les retrouvais le soir en train de jouer aux cartes toutes les deux, l'hiver surtout. Non, je crois que tout allait bien. Aucun drame. Comment voulez-vous d'ailleurs ? Tout était toujours parfait pour ma femme. Cette entente est très rare entre des gens qui habitent ensemble. Je sais. Il aurait mieux valu qu'il y en soit autrement. Vous le pensez vraiment ? Mais on ne peut pas créer la discorde de toutes pièces. Alors, ce n'est pas la peine de regretter quoi que ce soit. Qu'aurait-on pu faire ? Oh, je ne vois rien. Je n'y pense pas. C'est trop tard. La maison était très calme. Oui. Entre ces deux femmes qui s'acceptaient si bien, j'ai été peut-être bercé par ce calme. Partout ailleurs que chez moi, je dormais mal. Je trouvais qu'on parlait trop, que ce n'était pas propre. J'étais habitué à elles deux. On dirait que je viens de me réveiller. C'était comme s'il n'y avait eu personne dans la maison. Et pourtant, tout était fait. Vous avez dit tout à l'heure que Marie-Thérèse surveillait Claire. Vous avez ajouté gentiment. C'était nécessaire. Claire faisait parfois des bêtises, des choses qui auraient pu être dangereuses. Marie-Thérèse me prévenait. Moi, j'envoyais Claire dans sa chambre ou dans le jardin et on n'en parlait plus. Vous ne la grondiez pas ? Non, ça n'aurait servi à rien. Le mieux, c'était de la laisser seule. Et le calme de la maison n'en était pas dérangé pour autant. Il aurait été dérangé si on l'avait laissé faire. Et quoi, par exemple ? Il s'agissait de détruire, d'imprudence. Elle brûlait tous les journaux à la fois, dans la cheminée. Elle cassait des choses, des assiettes souvent. Elle les jetait à la poubelle. Ou elle les cachait dans des coins, elle les enterrait dans le jardin. Sa montre, son alliance qu'elle prétendait avoir perdue, je suis sûr qu'elles sont dans le jardin. Elle découpait aussi. Une fois, je me souviens, elle a découpé ses couvertures, chacune en trois morceaux d'égale longueur. Et il suffisait de ne pas laisser traîner les allumettes ni les ciseaux. Qui alors la surveillait quand vous étiez au bureau ? Quand je n'étais pas là, Marie-Thérèse ne la laissait jamais seule dans la maison. Certaines pièces étaient fermées à clé, la cuisine, nos chambres. Elle aurait fouillé partout. Mais une fois les précautions prises, tout allait bien. La nuit, rien n'était fermé. Mais il me semble que parfois, surtout les derniers temps, Marie-Thérèse fermait la cuisine. Je n'en suis pas sûr. Peut-être la fermait-elle lorsqu'elle passait la nuit avec des Portugais. Elle les recevait dans sa chambre, quelquefois ? Ça a dû arriver. Une fois montée dans ma chambre, je ne m'occupais plus de ce qui se passait en bas. J'estime que Marie-Thérèse était libre de recevoir qui elle voulait, quand elle voulait. Vous n'avez rien entendu la nuit du crime ? Il n'y a pas eu de cri. J'ai entendu quelque chose comme un bruit de porte. J'ai dû croire que Marie-Thérèse rentrait ou que l'une des deux circulait dans la maison. Je me suis rendormi. Ma chambre était au second étage. J'entendais à peine les bruits du rez-de-chaussée. Vous avez quitté votre maison ? Oui. Je vis à l'hôtel. J'ai pris une chambre à l'hôtel des voyageurs près de la gare. Vous êtes retourné au Balto ? Non. Je vais au bar de l'hôtel. Pourquoi n'y êtes-vous pas retourné ? Je veux rompre avec mon passé, même avec les bonnes choses. Même Robert. Que comptez-vous faire ? Vous y avez pensé ? Je vais vendre la maison. Et puis, je quitterai Viorne. Et avec les commerçants du village, les gens, Clairlane s'entendait bien aussi ? Oui. Il n'y a jamais rien eu de ce côté-là non plus. Comme je vous l'ai dit, un jour sur deux, Claire faisait les courses. Non. Rien. Elle achetait ce qu'elle voulait ? Non, Marie-Thérèse lui donnait une liste. Maintenant, qu'est-ce que vous croyez ? Croyez-vous que, quelle que soit l'existence que Claire aurait pu avoir, celle-ci se serait terminée par un crime ? C'est-à-dire, je crois ceci. Étant donné que l'existence qu'elle avait avec moi était, pour ainsi dire, moyenne, relativement facile au point de vue matériel, sans drame, qu'il y ait eu de le regretter ou non, bien d'autres existences qu'elle aurait pu avoir auraient sans doute abouti au même résultat. Il n'y a pas de raison. Non. Je ne vois pas une existence qui lui aurait évité ce crime. Qu'est-ce que vous diriez sur les raisons ? Je dirais qu'elle était folle depuis toujours, que sa folie se montrait à elle quand elle était seule. Surtout dans sa chambre ou dans le jardin. Là, des choses terribles devaient lui traverser l'esprit. Ce que j'aurais aimé, c'est que vous interrogiez cet homme, l'agent de Cahors, mais il est mort l'année dernière. Elle le sait. Je ne crois pas. Je ne lui ai pas dit. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Est-ce qu'elle était à 20 ans, lui seul pouvait le dire, mais qui sait. Je ne crois pas que jeune, elle devait être tout à fait différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça n'a pas dû bouger beaucoup, à mon avis. Il serait resté quelque chose, ce n'est pas possible. À bien réfléchir, non. Je ne vois pas qu'elle ait beaucoup changé depuis que je la connais. Comme si la folie l'avait conservée jeune. Mais vous l'auriez imaginé vivant une fois un amour si fort qu'il l'amène au suicide, si vous n'aviez pas appris ? Non, c'est vrai. Pourtant, non, je ne crois pas que c'est lui qui l'a changé. Et comment imaginer qu'elle a été capable de vivre cet amour, si elle n'était pas différente de ce qu'elle est aujourd'hui ? Seule de son côté, comme le reste. Comme ce qu'elle a eu pour moi. Ne croyez pas qu'elle ne m'aimait pas du tout, vous vous tromperiez. Vous croyez que tout est parti de cet homme, vous ? Non, je ne crois pas, je suis de votre avis. Est-ce que vous pensez qu'elle s'ennuyait ? Non, elle ne s'ennuyait pas. Que pensez-vous ? Comme vous, je crois qu'elle ne s'ennuyait pas. Que là n'est pas la question. C'est juste ce que vous dites. Là n'est pas la question. Vous savez, il paraît qu'elle parle beaucoup quand on l'interroge. Tiens, mais c'est possible. Ça lui arrivait quelquefois de parler. Mais je dois dire que ce qu'elle racontait alors, on ne l'écoutait pas. Qu'est-ce que c'était ? Oh, n'importe quoi, des conversations inventées. Ça n'avait jamais de rapport avec ce qui nous intéressait. Mmh. Je veux dire, Marie-Thérèse et moi, les habitués de chez Robert. Et Alfonso ? Alfonso, ce qu'elle disait l'intéressait un peu. Elle lui racontait ce qu'elle avait vu à la télévision. On les laissait dans leur coin. Je dois vous dire que, lorsqu'elle a jeté le transistor dans le puits, je suis allé voir le docteur et je lui ai demandé de venir la voir. Je ne lui en ai pas parlé à elle. Il devait passer cette semaine. J'avais décidé que, cette fois-là, il fallait que je prenne une décision. Elle avait aussi jeté vos lunettes dans le puits. Oui, les siennes aussi, et sans doute la clé de la cave. On ne l'a jamais retrouvée. Et pourquoi, à votre avis, a-t-elle jeté les lunettes ? J'ai pensé que c'était pour m'empêcher de lire le journal, donc d'apprendre qu'il y avait eu un crime à Viorne. Maintenant, je crois qu'elle avait une autre raison. Pour que le désastre soit complet. Pour qu'il soit enfermé, est le mot qui me vient. Elle a dit au juge qu'elle aurait demandé à Alfonso de l'aider à jeter le poste de télévision dans le puits. Oui, Vous savez bien que c'est faux. Oui. Elle avait traîné le poste dans le couloir contre la porte de la chambre de Marie-Thérèse et elle l'avait recouvert d'un chiffon, d'une vieille jupe à elle. Oui, je sais. Mais pourquoi, à votre avis, raconte-t-elle ça sur Alfonso? Peut-être qu'elle a eu l'idée de lui demander de l'aider et qu'elle croit que c'est arrivé. Qu'a dit Alfonso là-dessus? Mais il a dit qu'elle avait tout inventé. C'est seulement à Alfonso qu'elle pouvait demander ça, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Je me demande comment elle a eu la force de traîner la télévision jusqu'au couloir. J'étais allé acheter du pain. Je suis revenu, la télévision était déplacée. Vous lui en avez parlé? Non. Je l'ai remise où elle était. Elle ne s'en est pas aperçue ce jour-là et le lendemain, elle était arrêtée. Quand Alfonso dit qu'elle a tout inventé, il est possible qu'il mente? Oui. Robert Lamy aurait pu mentir lui aussi de la même façon? Non, il n'y avait qu'Alfonso. Alfonso a pour clair une sorte d'affection. Quand il la voyait, son sourire ne trompait pas. De l'amour ou de l'affection? Oh, je ne sais pas. Quelle est votre autre idée sur le crime? Je crois que si Claire n'avait pas tué Marie-Thérèse, elle aurait fini par tuer quelqu'un d'autre. Vous? Oui. Puisqu'elle allait vers le crime dans le noir, peu importe qui était au bout du tunnel, Marie-Thérèse ou moi. La différence entre vous, quelle était-elle? Moi, je l'aurais entendu venir. Qui aurait-elle dû tuer dans la logique de sa folie? Moi. Vous venez de dire Marie-Thérèse ou moi? Je viens de découvrir le contraire, là, maintenant. Pourquoi vous? C'est inexplicable, je le sais. Vous n'avez pas de papier écrit par elle, même il y a longtemps? Il y a 2 ou 3 ans, j'ai trouvé des brouillons de ses lettres qu'elle écrivait aux journaux de Versailles. C'était à peine lisible, criblé de fautes d'orthographe. Je les ai jetés au feu. Je me souviens d'une seule. Elle demandait des conseils pour le jardin. Oui, pour la menthe anglaise. Elle demandait comment la garder dans la maison l'hiver. La menthe, elle écrivait ça comme amante. Un amant, une amante. Et anglaise, anglaise, comme en terre et en sable. Mais elle a écrit sur le corps. Oui. Toujours les deux mêmes mots. Sur les murs aussi. Le mot « Alfonso » sur un mur et sur l'autre mur le mot « Cahors ». C'est tout. Sans faute. Alfonso. Cahors. Oui. Il était donc encore le souvenir de l'agent de Cahors. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je n'en sais rien. Cela vous préoccupe? Non, pas vraiment. Maintenant, non. Est-ce qu'il aurait avoué si vous n'aviez pas parlé comme vous l'avez fait au Balto? Je me le demande. Je crois qu'on ne saura jamais. Il semblerait qu'elle avait vraiment l'intention de partir pour Cahors. Dans sa valise, on a trouvé une trousse de toilette, une chemise de nuit, tout ce qu'il fallait pour un voyage. Il est possible qu'elle ait eu l'intention de partir vraiment. Et que ce soit votre récit qui l'ait fait rester. Qu'elle soit restée pour rétablir l'erreur que vous faisiez en disant que la victime, à votre avis, avait été assassinée dans la forêt. Je ne peux rien vous dire là-dessus. Vous avez dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est vrai. Mais elle a fait son aveu d'elle-même sans que personne l'y pousse. Le policier a repris ce que j'avais inventé, à savoir que le crime avait eu lieu dans la forêt. Et elle a dit d'abord que ce n'était pas dans la forêt sans finir sa phrase, 2 ou 3 fois. Puis dans un silence, elle a avoué complètement. Quelle était sa phrase? C'était... Ce n'est pas dans la forêt que j'ai tué Marie-Thérèse Bousquet, c'est dans la cave à 4 heures du matin. Je me souviendrai de cette phrase jusqu'à ma mort. Croyez que c'est l'erreur sur l'endroit qui l'a fait avouer? Je le crois. Je crois que si vous ne l'aviez pas faite, elle serait partie pour Cahors. Et si tout le récit fait par le policier avait été faux d'un bout à l'autre? Je crois qu'elle serait également partie pour Cahors. Elle n'aurait pas eu de raison d'intervenir, mais vos hypothèses, juste au départ, ont bifurqué tout à coup. Elle n'a pas pu s'empêcher de rétablir la vérité. En somme, tout s'est passé comme si c'était moi, à cause de ce mot, forêt, qu'il avait donné à la police. Oh. Il l'aurait découverte de toute façon, je pense. Je vous ai dit tout à l'heure que je croyais que Marie-Thérèse était partie parce qu'elle en avait assez de nous, vous vous en souvenez? Oui. Ce n'était pas l'exacte vérité. La voici, je croyais que Marie-Thérèse en avait assez d'elle, mais pas de moi. Elle en avait assez, je le croyais, de s'occuper de quelqu'un qui n'appréciait pas ce qu'elle faisait. Ce n'était pas mon cas. Je croyais donc que c'était la fin pour Claire, mais pas pour moi. Comment êtes-vous à l'hôtel? Pas mal. Vous avez dans l'idée que j'ai souhaité ce drame qui me débarrasse de Claire, n'est-ce pas? Oui. Mais qui m'aurait soigné? Qui aurait continué à faire la cuisine après la mort de Marie-Thérèse? Une autre personne, vous l'avez dit. C'est ce qui va se passer. Vous allez acheter une nouvelle maison et prendre une domestique. Oui. Je voudrais que vous alliez jusqu'au bout de votre pensée. Je suis prêt à tout croire. Et des autres, et de moi. Je crois que vous ne souhaitiez pas seulement vous débarrasser de Claire, mais aussi de Marie-Thérèse, afin de vous retrouver seule. Vous avez dû rêver de la fin d'un monde, c'est-à-dire du commencement d'un autre. Mais qui vous aurait été donné? On allait au Balto presque tous les soirs avant le crime. Pendant les 5 jours qui ont suivi le crime, je n'y suis pas allé. J'étais trop découragé. Elle non plus n'a pas voulu y aller. Et puis, tout à coup, au bout de ces 5 jours, vers 7 heures du soir, elle est venue me chercher. Elle voulait y aller. Au moment de partir, elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à faire. Qu'elle me rejoindrait. Il y avait ce soir-là 5 personnes. Robert Lamy. Alfonso. Inconnu à Viorne. Inconnu à Viorne. Comme on l'a appris par la voix de la presse, des débris humains viennent d'être découverts un peu partout en France, dans différentes gares, dans des wagons de marchandises. Le service médico-légal de la préfecture de police a permis de découvrir que ces différents débris appartiennent au même corps. À part la tête qui n'a pas été retrouvée, la reconstitution de celui-ci a été faite à Paris. Le recoupement ferroviaire a permis de découvrir que tous les trains qui transportaient ces débris humains sont passés, quelle que soit leur destination, en un même lieu, à savoir le viaduc de Viorne. Il est donc établi que c'est du garde-fou de ce viaduc qu'ils ont été projetés dans les wagons et que le crime a été commis dans notre commune. La municipalité alertée demande instamment à ses ressortissants de conjuguer leurs efforts à ceux de la police afin que son auteur soit découvert le plus rapidement possible. Toute disparition de personnes de sexe féminin, de taille moyenne, de corpulence assez forte, d'un âge pouvant varier entre 30 et 40 ans, devra être immédiatement signalée à la police. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Salut, Alfonso. Bonsoir. Monsieur, dame. 3 fois qu'Armand le lit, cet avis. Le recoupement ferroviaire. Tu prends un papier, tu dessines le parcours des trains en question, et tu vois que, où qu'ils aillent, à Brest, Bordeaux, Bruxelles ou ailleurs, ils passent tous par ici. Le viaduc sort tout seul. Un jeu d'enfant. Tu y aurais pensé, Pierre? Oh, pas sûr. Donne-moi une bière. Mais sans la tête, pas d'identification possible. Penses-tu? Plus difficile, mais possible. Restent les taches de naissance, la taille, les déformations congénitales, les cicatrices, etc. Mais de sa personne, personne n'est pareil à personne. Puis, quand ils auront trouvé la tête, ça ne voudra encore rien dire. Qui nous dit que la victime est de Vjorn? Que ce n'est pas quelqu'un qui est venu faire son coup ici et qui est reparti, ni vu ni connu. On cherche malgré soi. Claire n'est pas venue? Ouais, elle avait quelque chose à faire, elle arrive. Mais je me disais justement, comment se fait-il qu'on ne la voit plus? Personne de malade? Non, malade non, mais elle est fatiguée, enfin très fatiguée. Oh, rien de grave. Le printemps peut-être. C'est vrai qu'on cherche, hein. Impossible de s'en empêcher. Ils ne sont sur aucune piste encore. C'est trop tôt. Je crois aucune. Tu penses bien qu'ils ne diront rien? Tu es encore bon, mais ce dépeçage, cet acharnement, là, on ne comprend pas. Peut-être que ça aurait été trop lourd autrement. C'est tout. Ça a dû être long. On n'y pense pas. 9 voyages. Avec la tête, ça aurait fait 10. Vous savez, tout Paris en parle du recoupement ferroviaire. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre à Paris? On dit que c'est un fou. Encore un fou de la Seine-et-Oise. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que cette valise, Claire? Je pars pour Cahors. Ah, c'est une bonne idée. Justement, je voulais te proposer d'y aller quelques jours. C'est vrai que vous êtes de Cahors, tous les trois. Je l'oublie toujours. Tu pars longtemps, Claire? 5 jours. En fait, il y a combien de temps que tu n'es pas allé à Cahors? Jamais. Vous parlez du crime? Oui. Qu'est-ce que vous disiez? Rien. Ça piétine déjà. Et combien de trains par nuit qui passent par ici? 13. Alors il aurait pu faire son coup en une seule nuit? Non. On aurait découvert tout le même jour. Or, les découvertes dans les wagons s'échelonnent sur 3 jours. Exact. Mais personne n'a rencontré quelqu'un la nuit, du côté du viaduc? Alfonso? Personne n'est allé le dire, en tout cas. Les gens n'osent pas témoigner tout de suite. Il faut attendre quelques jours. Et puis après, on les tient plus. Alfonso, toi, tu as vu quelqu'un du côté du viaduc? Mais non, ça suffit comme ça. Ils sont allés chez toi? Hier soir. Chez moi ce matin? À 4. Mais chez nous, pas encore. Ça va pas tarder. 2752 habitants, c'est pas le diable. On se connaît tous, plus ou moins. Ensuite, t'as les Portugais. J'imagine qu'ils sont allés les voir en premier. En gros, il y en a une cinquantaine, pas plus. Ça devrait pas traîner. Qu'est-ce qu'ils demandent? Les papiers d'identité, c'est vite fait. Faut dire combien on est dans la maison, justifier les absences. C'est tout. Enfin, pour le moment. Il y a une équipe de chercheurs depuis ce matin. Pour la tête. Où? Dans la forêt. Vjorn garde son mystère. Peut-être qu'ils ne le trouveront jamais. Le pourcentage de crimes impunis augmente chaque année. 16% au moins. C'est vrai? Je sais pas. Ah, les gens ont peur. À 8 heures hier soir, Vjorn, c'était un désert. Et la police m'a demandé de laisser le café ouvert. Un café ouvert jusqu'à minuit dans une ville déserte. Ça fait un drôle d'effet. Hier soir, on était 2, Alfonso et moi. Pourquoi la police exige ça? À cause de la vieille règle qui veut que l'assassin revienne toujours sur les lieux de son crime. Alors attendons-le. Attendons. Qui sait? Mais en fait, monsieur, vous... Non. Ce n'est pas ça. Et votre train, madame? Quel train? Il part le matin, 4h13. Eh bien, dites-moi, madame, vous vous y prenez bientôt pour partir en voyage? C'est beau, Cahors? C'est parce que tu as peur, Avion, que tu pars? Ces messieurs dames sont-ils de Seine-et-Oise? Non. De la Seine. Moi, de Paris, je me balade. Je suis venue voir le lieu du crime. Ce monsieur m'a invité à boire un verre. Je peux vous offrir une tournée? Ah, on n'est pas contre. Mais si vous croyez sortir quelque chose de nous, vous perdez votre temps. Mais on sait à qui on a affaire. Dans le métier. Quel métier? Flic. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, vous? Que l'assassin est probablement de Vjorn. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'il ne serait pas revenu trois fois de suite au même viaduc. S'il avait choisi trois viaducs différents, et il y en a dans la région, alors ça aurait été beaucoup plus difficile de le trouver, presque impossible. Malin. Eh oui. C'est donc quelqu'un de Vjorn? Il y a 4 chances sur 5 pour qu'il soit d'ici, oui. Alors on est enfermé avec lui? Oui. Et la victime? Elle a dû être tuée à Vjorn, pour la même raison, la proximité du viaduc. Si elle avait été tuée ailleurs, pourquoi s'en serait-on débarrassé ici, à Vjorn? Non. C'est quelqu'un qui est de Vjorn, qui a tué à Vjorn, et qui n'a pas pu en sortir, qui, physiquement, était dans l'impossibilité d'en sortir pendant ces 3 nuits. Vous voyez où ça nous mène. Qui n'avait donc pas d'auto? Voilà. Ni de vélo, rien. Qui n'avait que ses jambes. Exactement. On peut dire que la personnalité du criminel s'annonce déjà à travers son crime. Je n'ai entendu personne dire qu'il aurait prévu le recoupement ferroviaire. Un tueur, un professionnel, y aurait pensé. Donc, voyez, on sait déjà ce que n'est pas le criminel. Par exemple, un tueur. Mais cette solution de jeter des morceaux de la victime dans 9 trains différents suppose déjà de la réflexion, d'une certaine intelligence. Si elle a été voulue, oui. Il reste donc qui, à part les professionnels? Il reste ceux qui auraient trouvé la solution des trains différents, mais qui n'auraient pas pensé plus loin. Et ceux qui n'ont pensé à rien, qui n'ont rien calculé, ni le nombre des trains, ni l'heure, et qui sont tombés par hasard chaque fois sur un train différent. La majorité des gens, à votre avis? Oui. Le hasard avait ici autant de chances que le calcul de ne pas se tromper. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre, encore? Que c'est quelqu'un de faible. Physiquement, j'entends. Quelqu'un de fort aurait fait moins de voyages, vous comprenez? C'est vrai, ça aussi. Peut-être quelqu'un d'âgé, simplement. Oui. Ou de très fatigué. Ou de malade. Tout est possible. On peut aller encore plus loin. Si ça ne vous ennuie pas... Non, allez-y, au contraire. Il est encore probable que nous avons affaire à quelqu'un de méthodique. De consciencieux. Religieux? Il a dit de religieux? Non. De religieux aussi, peut-être. C'est peut-être même le mot qui conviendrait le mieux, madame. À cause de la tête qu'on n'a pas retrouvée. Là, je ne vous suis plus. Si le criminel n'a pas jeté la tête avec le reste, on pourrait croire d'abord que c'est uniquement pour rendre l'identification impossible. Oui. Eh bien, à la réflexion, ça paraît plus complexe que ça. Étant donné qu'il était sûr de sa trouvaille, il aurait dû jeter la tête comme le reste. C'est ça. C'est-à-dire, étant donné plutôt son affolement pendant ces 3 nuits qu'ont duré ses voyages au viaduc, sa fatigue, fantastique quand on y pense, sa peur terrible d'être pris avant d'avoir fini, on s'étonne de sa prudence. Il y a là une inconnue dans l'attitude du criminel. Ou bien il pense qu'il va commettre le crime parfait. Dans ce cas, il défigure la tête et la jette, comme le reste. Ou bien il a une raison personnelle, morale, on dirait, de réserver à la tête un sort à part. Il peut être croyant, par exemple. Ou l'avoir été. Vous allez bien loin, il me semble. Vous croyez ? Il est possible que tout s'écroule quand vous aurez trouvé. Hein? Que vous vous trompiez complètement. Bien sûr. Mais qu'on se trompe de A à Z, ce serait quand même étonnant. Alors, tout s'est passé ici. Oui. Le mystère est enfermé avec vous. À mon avis, nous devons être en présence de ce qu'on pourrait appeler un crime spontané. Ça vous étonne ? Oui. La trouvaille du viaduc, même si elle ne va pas loin, il fallait quand même y penser avant. Pourquoi ? Pourquoi avant ? Pourquoi n'y penserait-on pas juste au moment où on passe sur le viaduc avec son paquet ? Quand on cherche depuis des heures ce qu'on pourrait bien en faire ? C'est vous, le lecteur du journal qui fabriquait la trouvaille des neuf trains. À la réflexion, elle disparaît. Elle devient le pur hasard. Pourquoi êtes-vous ici ? Contre la préméditation et pour le hasard. Parce qu'il y a dans ce crime un naturel qui s'accorde mal avec la prudence. Un fou. Quelle est la différence ? Entre quoi et quoi ? Entre un fou et un être normal, dans le cas de ce crime. Elle veut dire comment savoir si c'est un fou ou non ? La différence commence après le crime. On peut se dire, un fou n'aurait pas eu la patience de faire ses voyages. Un fou, vrai, n'aurait pas eu cette régularité de fourmi pendant 3 nuits. Par contre, un fou aurait pu garder la tête. C'est arrivé. Un fou aurait parlé, peut-être. Un fou aurait déjà parlé. Non, ça n'est pas sûr. Est-ce que le criminel a commis une imprudence dans ce crime, à votre avis ? Oui. Il y en a toujours une. Dans tous les crimes. Je ne peux rien vous dire de plus. Est-ce que c'est quelqu'un de fou, ou non ? Je ne sais pas. On sait aussi que la victime ne devait pas être belle. Qu'elle devait avoir des formes lourdes, que c'était une femme forte, une sorte de brute. Les épaules carrées, larges et trapues. Une travailleuse ? Oui. En entendre parler comme ça, on pourrait croire qu'on reconnaît quelqu'un, c'est idiot. Oh bah, tout le monde, vous savez. Qu'est-ce que vous en déduisez ? C'est que lorsqu'on parle de crime passionnel, à mon avis, on se trompe. On n'a signalé aucune disparition à la mairie ? Aucune. Il n'y en aura probablement pas. Ça serait déjà fait. Vous pensez bien 7 jours que toute la presse en parle. Et rien ? Non. Il s'agit sans doute d'une personne qui n'avait ni famille, ni amis, qui y tenait assez pour s'inquiéter. Ou d'une personne seule ? Seule où ? Dans un immeuble, la concierge serait déjà venue dire, une telle n'a pas été vue depuis 7 jours. Alors, seule dans un pavillon? Non plus. Dans un pavillon, un voisin serait venu dire, une telle a ses volets fermés depuis 7 jours, ou bien, une telle n'a pas été vue depuis 7 jours, les poubelles sont dehors, etc. Quelle imagination! Alors, elle habitait bien quelque part? Ah, bien sûr, ça, de toute façon. Vous ne voyez pas? C'est quelqu'un qui a été tué par les gens avec qui elle habitait. Exactement. 9 chances sur 10 pour que ce soit ça. Il n'y a que de cette façon que le silence s'explique autour de la disparition. Vous allez avoir des surprises, Avion, je le sens déjà. Un crime, on le sent de loin. Sa couleur. Et ici, nous avons affaire à quel genre de crime? On a tué, pourquoi? À votre avis, j'entends. Ah, je comprends bien. À mon avis, il me semble qu'ici, on a tué l'autre comme on se serait tué soi. C'est le cas de beaucoup de crimes, vous savez. Parce qu'on se détestait. Soi ou l'autre? Pas obligatoirement. Parce qu'on était ensemble dans une situation commune, peut-être trop immobile et qui durait depuis trop longtemps. Pas une situation malheureuse pour autant, non. Mais fixe, sans issue. Vous comprenez? C'est une affirmation gratuite. C'est une opinion personnelle. Dans notre langage, elles ne sont jamais gratuites. J'y suis arrivé en éliminant l'hypothèse invraisemblable de l'intérêt, de la passion. C'est quand même extraordinaire de ne pas voir qui. Vous savez, ces crimes qui paraissent tellement extraordinaires de loin deviennent presque naturels quand on arrive à la vérité. Tellement que souvent, on ne voit pas comment le criminel aurait pu éviter de les commettre. Cette boucherie, quand même. C'est une façon comme une autre de brouiller les pistes. Les gens sont aveuglés par le dégoût, mais une fois que la personne est morte, qu'elle soit entière ou en morceaux. Je dirais plus, on oublie trop facilement ici le martyr qu'a dû vivre le criminel. Bon. Eh bien, messieurs, dames... Il est tellement tôt, Alfonso. Tout peut être compris. Moi, j'estime pas d'explication, précisément. Ne pas commencer avec l'explication. Sans ça, où va-t-on? Ne pas l'aborder du tout. Se contenter de la preuve. Un point, c'est tout. Non, Robert, je crois qu'il vaut mieux dans tous les cas essayer de comprendre, entrer dans les circonstances, le plus qu'on peut. Le plus loin qu'on peut, s'y perdre s'il faut, mais toujours en tenir compte. Et puis comprendre, monsieur l'ami, c'est un bonheur. Un si grand et réel bonheur, et auquel on aspire si naturellement, qu'il est un devoir de n'en priver personne, ni le public, ni même les juges, ni même, parfois, les criminels. Non, non, non. Tout comprendre est impossible. Alors, à un moment donné, stop. Arrêtez de comprendre. Sans ça, encore une fois, où va-t-on? Robert, je t'assure que tu as tort. Je suis de l'avis de M. Lannes, vous avez tort. Moi, je suis de l'avis de M. Robert Lannes. Mais je t'en prie, Robert, toi, si largement ouvert à tous les problèmes humains, pourquoi devant celui-ci tellement important, tu te fermes? Enfin, je suis désolé, Robert. Question de vie et de mort. En Seine-et-Oise, les gens ont peur. Que faites-vous de tous ces trimards qui, de jour et de nuit, circulent sur les routes de la Seine-et-Oise? Un beau soir, ils tuent Robert Lamy. Et alors, vous voulez comprendre les assassins de Robert Lamy? Robert. Quoi? On n'est jamais à l'abri d'une idée qui vous traverse. Personne ne peut dire « ça, je ne le ferai jamais ». Je me souviens d'un crime. C'était un ouvrier agricole des environs, très bien, à tous les points de vue. Un soir, il arrachait des pommes de terre dans un champ, et une femme est passée. Il la connaissait depuis très longtemps. Peut-être la désirait-il, l'aimait-il, sans se l'avouer. Elle a refusé de le suivre dans la forêt. Il l'a tuée. Alors, ce crime-là, est-ce qu'il faut le punir comme un autre ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On a considéré que cet homme avait traversé une crise de folie. Il n'a pas eu grand-chose. 10 ans, je crois. Au fond, la cause de la plupart des crimes... c'est peut-être ni plus ni moins la possibilité dans laquelle on se trouve de les commettre. Supposez qu'on vive nuit et jour, avec près de soi, par exemple, une machine infernale, qu'il suffise d'appuyer sur un bouton pour qu'elle se déclenche. Un beau jour, on le fait. On vit avec quelqu'un pendant des années, puis un soir, l'idée vous vient. On se dit d'abord que si l'idée vous en venait, on pourrait le faire, sans avoir du tout l'intention de le faire, bien sûr. Puis ensuite, on se dit qu'un autre à votre place pourrait le faire. Un autre qui, lui, aurait des raisons de le faire. Et puis, plus tard encore, on se dit qu'on a toujours des raisons de le faire, toujours. Et qu'à votre place, un autre moins... faible. Faible est sans doute le mot qui convient. Un autre le ferait. C'est comme ça que ça commence, j'imagine. Et puis l'idée vous revient de plus en plus souvent, et puis un jour elle est là, elle reste là, elle grandit, il y en a plein la maison, on se cogne contre, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il raconte ? Des bêtises. Et puis un jour on le fait, et voilà. Après, c'est une autre histoire. Pourquoi tu dérailles comme ça, Pierre ? Je déraille parce que j'ai une idée. Que ce monsieur a la même idée, toi aussi. Et que j'ai envie de la dire. Je vous en prie. Oh non, à vous, je préférerais crever. Je vais vous dire, moi, l'idée qu'il a. Il croit que le crime que vous venez de raconter, l'ouvrier agricole qui tue cette femme, c'est ça qui est arrivé. Et il y a 7 jours que tu viens pas à cause de ça. Mais non, c'est pas ça. Vous pensez que ce monsieur Alfonso sait qui a fait le coup et qu'il ne le dit pas. Voilà ce que vous pensez. Oui, c'est ce que je pense. Mais tu es fou! Enfin, Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Mais excuse-moi, Robert. Enfin, pourquoi as-tu cette idée-là? Mais... je lis trop de journaux, Robert. J'ai eu l'impression qu'Alfonso cachait quelque chose et je n'ai pas pu le supporter. C'est pour ça que tu ne viens plus. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pourquoi ? Ça ne vous regarde pas ! À supposer que j'ai une idée, tu voudrais que je lui dise ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pierre ? Je m'excuse, Alfonso. Réponds à ma question, Pierre. Mais c'est d'avoir trop parlé avec lui. Tout d'un coup, j'ai eu envie de savoir, ça a été plus fort que moi. Vous me permettez de remettre ça ? Allez-y, monsieur Robert. Vous devez pas souvent payer les notes, monsieur. Nous, on refuse pas. Allez, on n'y pense plus. Oui. Mais tout le monde sait que tu ne dors jamais, que tu te balades dans la forêt. Tu comprends ? Tu connais tout le monde, tu habites la forêt. Et moi, on ne m'enlèvera pas de l'esprit que c'est dans la forêt que ça s'est passé. Alors je me suis dit que tu devais au moins avoir une idée. Et puis le charme du flic a joué. Oui, assez, Pierre. Oui. Alfonso n'a pas dit si Monsieur Pierre se trompait ou non. J'ai tout inventé, laissez-le tranquille, quoi. Je n'ai pas l'intention d'interroger Monsieur Alfonso. Ne vous inquiétez pas. C'était seulement une remarque. Rentre chez toi, Alfonso. Non. Tu peux quand même dire quelque chose? Ils trouveront tout seuls. Ils n'ont pas besoin de moi. N'est-ce pas, monsieur? Si vous dites ça, monsieur Alfonso, c'est que vous savez que c'est à Viorne que le crime a été commis. Dans la nuit du 12 au 13 avril. Dans la forêt, près de chez vous, à 50 mètres du viaduc sur le haut de la berge. C'est vrai. Et c'est dans la forêt, à 50 mètres de ce viaduc, en haut de la berge. J'ai entendu les coups. Ce n'est pas dans la forêt. Assez avec cette histoire! On parle ou on la ferme. On commence pas à parler pour ensuite... Mais qu'est-ce que tu racontes, Claire? Ce n'est pas dans la forêt. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit, monsieur. Elle est en train de devenir complètement folle, cette fois, c'est sûr. Qu'est-ce que vous vouliez dire, madame? Rien. Mais laissez-la tranquille, vous entendez? Vous aviez l'intention de dire quelque chose, madame? Oui. C'est très difficile ce que cette dame a à dire. N'est-ce pas, madame? Oui. Vous voulez parler de votre cousine, Marie-Thérèse Bousquet? Votre cousine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Vous la connaissez? Mais... Comment? On connaît tout le monde. Marie-Thérèse Bousquet, elle est partie, monsieur. Qu'est-ce qui vous prend? Pierre, je ferme! Nous avons tout le temps. N'est-ce pas, madame? Je te dis que j'allais fermer, Pierre. Mais non, Robert. Venez par ici, madame. Venez avec nous. Pierre, je ferme! Mais qu'est-ce qui vous prend? Marie-Thérèse Bousquet est partie! À Cahors! Elle va vous le dire. Claire! Ferme la porte. Claire, je ferme. Claire! Je te dis que je ferme, Claire. Mais non, Robert, vous ne fermerez pas. Elle est partie comment, Marie-Thérèse Bousquet, madame? Elle ne vous répondra pas, monsieur. Elle ne répond jamais quand on la questionne. Laissez-la parler toute seule. Claire. Voyez, elle ne vous répondra plus. En quoi ça peut vous intéresser? J'imagine que Marie-Thérèse a fait sa valise et qu'elle est partie. Une idée qu'elle a eue un beau matin, c'est tout. Vous l'avez vue partir? Personne ne savait qu'elle était partie. Tu comprends, Pierre? Alors, on est surpris. Mais toi, tu l'as vu partir. Dis-le. Je me disais justement, tiens, elle n'est plus là, Marie-Thérèse. Pierre, dis-le. Dis-le. Je dormais encore. Monsieur, elle reviendra de Cahors. N'est-ce pas, Claire? Claire! Vous voyez, elle ne répond jamais. Mais elle m'a raconté, mais... Elles se sont quittées le matin sur le pas de la porte. Claire est restée jusqu'au départ du car. Claire! Dis quelque chose! Dis quelque chose! Claire, dis quelque chose. Alfonso. Madame, je suis là pour vous, n'ayez pas peur. Dites ce que vous avez à nous dire. Viens, paix ! Non. Ce n'est pas dans la forêt qu'on l'a tuée, Marie-Thérèse Bousquet. C'est dans une cave, à 4 heures du matin. J'étais là pour vous, messieurs. Nous savions qu'il s'agissait de Marie-Thérèse Bousquet, mais nous ne savions pas qui de vous trois l'avait tuée. Sur les débris, il y avait des inscriptions. Les mots « Cahors » et « Alfonso ». La presse ne l'a pas dit, bien sûr. Ça a été facile. Madame, vous allez venir avec nous. Claire-Lanne, vous habitez Vionne depuis quand ? Depuis que j'ai quitté Cahors, à part 2 ans à Paris. Depuis votre mariage avec Pierre Lanne ? Oui, c'est ça. Vous n'avez pas d'enfant ? Non. Vous ne travaillez plus ? Non. Quel était votre dernier travail ? Femme de service à la communale. Claire Lanne, vous avez reconnu être l'auteur du meurtre de Marie-Thérèse Bousquet, votre cousine. Oui. Vous reconnaissez avoir agi seul ? Oui. Vous persistez à dire que votre mari ignorait tout de ce que vous avez fait ? Tout. Il ne s'est jamais réveillé. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Parler avec vous ? Du crime ? Oui. Ah bon ? Nous allons commencer par ces trajets la nuit entre chez vous et le viaduc. Vous voulez bien ? Oui. Avez-vous rencontré quelqu'un pendant ces trajets ? Je l'ai dit au juge, une fois j'ai rencontré Alfonso. C'est un homme qui coupe du bois à Vionne. Oui, je sais. Il était sur la route, assis sur une pierre à fumer. On s'est dit bonsoir. Quelle heure était-il ? Entre 2 heures et 2 heures et demie du matin, je crois. Il n'a pas eu l'air étonné, il ne vous a pas demandé ce que vous faisiez là ? Non. Lui-même était sur la route, alors. À quoi faire, d'après vous ? Je ne sais pas. Attendre le jour, peut-être. Je ne sais rien là-dessus. Vous ne trouvez pas extraordinaire qu'il ne vous ait pas posé de questions ? Non. Il vous a fait peur quand vous l'avez vu ? Non. Qui êtes-vous ? Un autre juge ? Non. Est-ce que je suis obligée de vous répondre ? Pourquoi ? Cela vous ennuie de répondre ? Non. Je veux bien répondre aux questions sur le crime. Sur moi. Vous avez dit au juge ceci. Un jour, Marie-Thérèse Bousquet faisait la cuisine. Vous n'avez pas fini la phrase. Et je vous demande de la finir avec moi. Ça n'a pas de rapport avec le crime. Je veux bien la finir. Elle faisait la cuisine, c'était le soir. Je suis rentrée dans la cuisine, je l'ai vue de dos. Et j'ai vu qu'elle avait comme une tache sur le cou. Là. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? On ne sait pas encore. C'est tout ce que vous vouliez dire sur ce jour-là ? Quand elle était morte, la tache était toujours là, sur le cou. Je me suis rappelé l'avoir vue, avant. Vous n'aviez jamais vu cette tache avant ? Non, je l'ai vue parce qu'elle venait de changer sa coiffure, que son cou était à l'air. Cette coiffure changeait-elle aussi son visage ? Non, pas son visage. Vous trouvez juste ou injuste d'être enfermé ? Juste ? Mais injuste ? Pourquoi injuste ? Je dise ce qu'on veut que je dise et ça n'y change rien. J'ai compris que si je me taisais, le résultat serait le même. Pour votre mari, vous ne trouvez pas ça injuste? Je veux dire, de votre part. Non. Pas vraiment. C'est mieux que la mort. Vous dites toujours que vous avez tout dit à la justice. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Vous me questionnez pour savoir ce que je n'ai pas dit? Non. Vous me croyez? Je veux bien. J'ai tout dit sauf pour la tête. Quand j'aurais dit où est la tête, j'aurais tout dit. Quand le direz-vous? Je ne sais pas. Pour la tête, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai eu du mal, encore plus que le reste. Je ne sais pas si je dirais. Pourquoi pas? Pourquoi? La règle veut que les aveux soient complets. Ce n'est que lorsque la tête sera retrouvée qu'on sera tout à fait sûr que c'est bien elle qui a été tuée. Ce qui a été retrouvé, ça doit être suffisant. Avec seulement ses mains, on les reconnaît. Demandez à mon mari. Et puis j'ai avoué. Et sans dire où vous l'avez caché, pouvez-vous dire quand vous l'avez caché? Je me suis occupée de la tête en dernier. Une nuit. Quand tout a été fini, j'ai fait ce qu'on fait d'habitude. J'avais cherché très longtemps quoi faire de la tête, je ne trouvais pas. Alors je suis allée jusqu'à Paris, je suis descendue à la porte d'Orléans, j'ai marché jusqu'à ce que je trouve. J'ai trouvé. Avez-vous dit au juge que vous étiez comme dans un rêve lorsque vous avez tué Marie-Thérèse Bousquet? Non, je ne l'ai jamais dit, on me l'a demandé. J'ai dit que ça avait été pire. Pourquoi pire qu'un rêve? Parce que je ne rêvais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'essaye de savoir pourquoi vous avez tué Marie-Thérèse Bousquet. Pourquoi? Pour essayer de vous éviter la relégation à vie. C'est votre métier? Non. Vous ne faites pas ça tous les jours? Avec tout le monde? Non. Alors écoutez-moi. Il y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai rêvé que je la tuais. La deuxième, c'est que lorsque je l'ai tuée, je ne rêvais pas. C'est ce que vous vouliez savoir? Non. Si je savais comment répondre, je le ferais. Je n'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées pour vous faire comprendre ce qui est arrivé. Peut-être y arriverons-nous quand même. Peut-être. Si j'y arrivais, si tout était clair, qu'est-ce qu'on me ferait? Cela dépendrait de vos raisons. Plus les criminels sont clairs dans ce qu'ils disent, plus on les tue. Qu'est-ce que vous me répondez? Que malgré ce risque, vous avez envie que toute la lumière soit faite. C'est vrai. Plutôt. Je dois vous dire que j'ai rêvé que je tuais tous les gens avec qui j'ai vécu. Y compris l'agent de Cahors. Mon premier homme qui est la personne que j'ai le plus aimée dans ma vie. Et plusieurs fois chacun. Donc, un jour ou l'autre, je devais arriver à le faire. Vraiment. Votre mari dit que vous n'aviez aucun motif d'en vouloir à Marie-Thérèse Bousquet. Qu'elle faisait bien son travail, que sa cuisine surtout était très bonne, qu'elle était propre, honnête, généreuse, qu'elle vous soignait très bien tous les deux. Que jamais, à sa connaissance, il n'y a eu de drame entre vous deux, jamais en 17 ans. Elle était sourde et muette. Personne ne pouvait se disputer avec elle. Mais elle ne l'aurait pas été. Vous auriez eu des reproches à lui faire? Je ne peux pas le savoir. Mais vous êtes de l'avis de votre mari sur elle. La maison lui appartenait, elle faisait tout ce qu'elle voulait. Je n'aurais pas pensé à trouver ce qu'elle faisait, soit bien, soit mal, non, non. Et maintenant qu'elle n'est plus là? Je vois la différence. Il y a de la poussière partout. Vous préférez qu'il y ait de la poussière? C'est mieux quand c'est propre, non? Mais vous préférez quoi? La propreté prenait trop de place dans la maison. La propreté prenait la place de quelque chose d'autre? Peut-être. De quoi? Dites le premier mot qui vous vient. Du temps? La propreté prenait la place du temps, c'est bien ça? Oui. Et la cuisine délicieuse? Encore plus. Maintenant, le fourneau est froid. Il y a de la graisse froide qui traîne sur les tables. Et par-dessus la graisse, il y a de la poussière. Les vitres, on ne voit plus à travers. Quand il y a un rayon de soleil, on voit tout. Poussière et gras. Il n'y a plus rien de propre, plus un verre. Toute la vaisselle a été sortie du buffet. Vous dites maintenant, mais vous n'y êtes pas. Je sais comment la maison est devenue. Comme un grenier? Je ne comprends pas. Je veux dire aussi sale qu'un grenier? Non. Si ça avait continué, qu'est-ce qui se serait produit? Mais ça continue. Il n'y a personne. Ça a commencé quand j'étais là, 7 jours sans faire la vaisselle. Et si ça continue, qu'est-ce qui va arriver? On ne verrait plus rien. Il y aurait de l'herbe entre les moellons. Et puis il n'y aurait plus la place où se mettre. Si ça continue, ce ne sera plus une maison. Voilà mon avis. Ce sera une porcherie. Ou un grenier. Non et non. Une porcherie. Ça commençait bien quand j'étais arrêtée. Vous n'avez rien fait pour arrêter ce désastre? Je n'ai rien fait. Ni pour, ni contre. Je l'ai laissé faire tout seul. On va voir jusqu'où ça va arriver. Comment trouvez-vous la nourriture de la prison? Il faut que je dise si elle me plaît. Oui. Elle me plaît. Elle est bonne? Elle me plaît. Est-ce que je réponds comme vous voulez? Très bien. Vous savez, dites-le leur. S'il croit qu'il faut me mettre en prison, qu'il le fasse. Allez, allez, allez, qu'il le fasse. Vous ne regrettez rien de votre vie passée? Je suis bien ici. Toute ma famille est partie. Je suis pas mal ici. Mais est-ce que vous regrettez quelque chose de votre vie passée? De laquelle? Par exemple, de celle des dernières années. Alfonso. Alfonso et tout le reste. Elle était le dernier membre de votre famille? Pas tout à fait, pas tout à fait. Il reste son père, Alfred Bousquet, le 8e frère de ma mère, Adeline Bousquet. Tous les Bousquets sont morts, excepté Alfred, son père. Il n'avait qu'une fille, Marie-Thérèse, sourde et muette. Sa femme est morte. Mon mari, je ne le compte pas. La voyez-vous différente de vous, malgré son infirmité? Mais non, voyez. Morte, non. Et vivante? Elle était très grosse. Elle dormait très bien. Tous les soirs, elle mangeait beaucoup. Cette différence était plus importante que celle qui venait de son infirmité. Quand elle mangeait, quand elle dormait, quelquefois je ne pouvais pas le supporter. Je ne l'ai pas dit au juge. Vous pouvez essayer de dire pourquoi? Oui, pourquoi vous ne l'avez pas dit au juge? Il se serait trompé. Il aurait cru que je la détestais. Je ne la détestais pas. Je n'étais pas sûre de savoir lui expliquer. J'ai préféré me taire. J'ai un caractère à ne pas supporter que les gens mangent et dorment bien. Une autre aurait dormi ou mangé comme elle, je ne l'aurais pas supporté. Ce n'était pas parce que c'était elle que je ne le supportais pas. C'était parce que je ne le supportais de personne à table. Je sortais dans le jardin pour regarder autre chose. Des fois, j'ai vomi. Surtout quand il y avait de la viande en sauce. Pourquoi en faisait-elle si vous n'aimiez pas ça? Elle en faisait pour en faire, pour qu'on mange, sans y penser. Elle en faisait pour mon mari, qui l'adore. C'est bien fini, maintenant il n'en aura plus jamais. Elle en faisait pour lui, pour elle, pour moi. Pour rien. Elle ne savait pas que vous n'aimiez pas la viande en sauce? Je ne l'aurais jamais dit. Et il ne pouvait pas le deviner? Non. J'en mangeais. Mais si je ne les regardais pas en manger eux, J'arrivais à en manger, moi. Et pourquoi ne lui avez-vous jamais dit que vous détestiez la viande en sauce? Je ne sais pas. Cherchez. Je ne pensais pas. Je n'aime pas la viande en sauce. Je ne pouvais pas le dire. C'est ça, vous croyez? C'est moi qui vous apprends maintenant que vous auriez pu leur dire? Peut-être. J'en ai avalé des tonnes. Je ne comprends pas très bien. Et pourquoi en mangiez-vous au lieu de la laisser? Ça ne me déplaisait pas de manger cette sale sauce de graisse. Après, j'en avais pour toute la journée à y penser dans le jardin. Je vous ai dit que j'aimais bien le jardin. Là, j'étais tranquille. Quand j'étais dans la maison, je n'étais jamais sûre qu'elle ne viendrait pas m'embrasser. Oh, je n'aimais pas qu'elle m'embrasse. Elle était très grosse. Et les pièces sont petites. Je trouvais qu'elle était trop grosse pour la maison. Vous le lui disiez? Non. Pourquoi? C'était seulement pour moi. Quand moi, je la voyais dans la maison qu'elle était trop grosse, autrement, non. Mais ce n'était pas elle seulement. Mon mari est comme un échalas. Et lui, moi, je le trouvais trop haut pour la maison. Quelquefois, j'allais dans le jardin pour ne pas le voir, lui, se balader sous les plafonds. Dans le jardin, il ne venait pas me retrouver. Il y a un banc, ciment et des pieds d'amande anglaise. C'est ma plante préférée. C'est une plante qu'on mange, qui pousse dans des îles où il y a des moutons. J'ai pensé ça. L'amande anglaise, c'est le contraire de la viande en sauce. Quelquefois, je me suis sentie très intelligente sur ce banc en ciment. À force de rester immobile. Comment le saviez-vous? On le sait. Tout est fini maintenant. Maintenant, je suis la personne que vous voyez devant vous. Rien d'autre. Qui étiez-vous dans le jardin? Celle qui reste après ma mort. Est-ce que vous faisiez beaucoup de choses qui vous déplaisaient et vous plaisaient à la fois? Quelques-unes. Et cela vous plaisait comment? J'y pensais après, dans le jardin. Chaque jour de la même façon? Non, jamais. Vous pensiez à une autre maison? Non, je pensais à la maison qui était là. Mais sans eux dedans? Non, ils étaient là derrière mon dos dans la maison. Sans eux, je ne pouvais pas. Je cherchais des explications. Des explications auxquelles ils n'auraient pas pensé, eux, derrière mon dos. Des explications à quoi? Oh, à bien des choses. Je ne sais pas à quoi j'ai passé ma vie. J'ai aimé l'agent de Cahors, c'est tout. Qui a intérêt à ce que j'aille en prison? Personne et tout le monde. Ça m'est égal. Mon mari vous a parlé de l'agent de Cahors? Très peu. Moi, tel que vous me voyez là, j'ai eu 25 ans et j'ai été aimée par cet homme superbe. Je croyais en Dieu à ce moment-là. Je communiais tous les jours. J'étais placée dans une laiterie. Lui vivait maritalement avec une femme, et d'abord je n'ai pas voulu de lui à cause de ça. Alors il a quitté cette femme. Nous nous sommes aimés à la folie pendant 2 ans. Je dis à la folie. C'est lui qui m'a détachée de Dieu. Je ne voyais que par lui après Dieu. Je n'écoutais que lui. Il était tout pour moi. Et un jour je n'ai plus eu Dieu, mais lui seul, lui seul. Et puis un jour il a menti. Il était en retard, je l'attendais. Quand il est revenu, il avait les yeux brillants, il parlait, il parlait. Je le regardais, Je l'écoutais dire qu'il revenait du poste et ce qu'il avait fait, ses mensonges. Je le regardais. Il parlait de plus en plus vite et puis tout à coup, il s'est arrêté de parler. On s'est regardé. Le ciel s'est écroulé. Je suis retournée à la laiterie. Et 3 ans après, j'ai rencontré Pierre Lanne et il m'a emmenée à Paris. Je n'ai pas eu d'enfant. Je me demande bien à quoi j'ai passé ma vie depuis. Vous n'avez jamais revu l'agent de Cahors ? Si, une fois à Paris. Il est venu de Cahors pour me voir. Il est arrivé chez moi en l'absence de mon mari. Il m'a emmené dans un hôtel près de la gare de Lyon. On a pleuré ensemble dans la chambre. Il voulait me reprendre, mais c'était trop tard. Pourquoi trop tard ? Pour s'aimer comme on s'était aimé. On ne savait que pleurer. À la fin, il a bien fallu. Je me suis arrachée de ses bras. Arrachée de lui. J'ai détaché ses bras de ma peau. Il ne pouvait pas me laisser. Je me suis habillée dans le noir et je me suis sauvée. Je me suis sauvée. Je suis rentrée juste avant le retour de mon mari. Après, il me semble que j'ai moins pensé à lui. C'est dans cette chambre de la gare de Lyon qu'on s'est quitté pour toujours. Marie-Thérèse Bousquet était déjà avec vous quand c'est arrivé ? Non, elle est venue l'année d'après. Mon mari est allé à Cahors pour la chercher. Il l'a ramenée le 7 mars 1951. Elle avait 19 ans. C'était un dimanche matin. L'hiver, je ne pouvais pas aller dans le jardin. Vous avez questionné des gens de Viorne sur le crime ? J'ai questionné des gens, oui. Et aussi Robert Lamy. Heureusement qu'il existait. Qu'est-ce que les gens vous ont dit ? Qu'ils ne comprennent pas. Dans le car de police, je n'ai pas regardé Viorne pour la dernière fois. On n'y pense pas. Ce que je revois, c'est la place, la nuit. Et Alfonso qui s'amène en fumant. Il sourit en me voyant. Des gens disent que vous aviez tout pour être heureuse. La paye de mon mari est bien suffisante. Et de mon côté, j'ai le revenu d'une maison de Cahors, ils vous l'ont dit. Oui. D'autres gens encore disent qu'ils s'y attendaient. Tiens. Vous êtes malheureuse en ce moment ? Je suis presque. Je suis sur le bord d'être heureuse. Si j'avais le jardin, je tomberais dans le bonheur complet. Ils ne me le rendront jamais. Et moi, je préfère maintenant. Je préfère cette tristesse d'être sans mon jardin, parce qu'il faut dormir d'un seul œil, maintenant. Et me surveiller. Non, non. Si j'avais mon jardin, ce ne serait pas possible. Ce serait trop. Non. Alors, ils disent quoi ? Que vous aviez tout pour être heureuse. C'est vrai. Dans ce jardin, j'ai pensé au bonheur. Je ne sais plus du tout ce que je pensais sur ce banc. Maintenant que tout est fini, je ne comprends plus ce que je pensais. Robert Lamy a dit que j'avais tout pour être heureuse ? Non, il a dit... Les choses se seraient peut-être passées autrement si Claire avait eu une autre vie. Laquelle ? Il ne l'a pas dit. Alors autant se taire. Et Alfonso, qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai pas vu Alfonso. Mais au juge, il n'a presque rien dit. Il paraissait ne pas avoir d'idées précises sur vous. Alfonso n'a rien dit, mais il devait savoir quoi penser. Il vous parlait ? Non. Non, mais au bout de 22 ans, que tout au long de l'année, il y a Alfonso et qu'on se parle pour dire toujours les mêmes choses, bonjour, bonsoir, ça fait un paquet. Autrement, la nuit dans Viorne, quelquefois. Pourquoi dites-vous maintenant que tout est fini? Vous le croyez? Qu'est-ce qui commencerait? Alors c'est fini? Pour elle qui est morte, c'est fini. Pour moi qui ai fait ça, aussi. La maison, c'est fini. Ça durait depuis 22 ans. Maintenant, c'est fini. C'est un seul jour, très très long. Jour, nuit, et puis tout à coup, il y a le crime. Je lisais le journal, puis après, je pensais à ce que j'avais lu. À des questions politiques aussi. Des gens passaient, je pensais à eux. Je pensais à Marie-Thérèse aussi, à comment elle faisait. Je me mettais de la cire dans les oreilles. Ce n'est pas arrivé souvent, une dizaine de fois peut-être, c'est tout. Est-ce que mon mari a dit qu'il allait vendre la maison? Je ne sais pas. Oh, il va la vendre. Le meuble aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse maintenant? Il en fera une enchère dans la rue. Tout sera dehors. Les gens de Viande viendront voir les lits dans la rue. Les lits dans la rue. Ils verront la poussière, les taches pleines de gras et la vaisselle sale. Il faudra. Peut-être qu'il aura du mal à vendre la maison vu le crime. Peut-être qu'il la vendra au prix du terrain. Remarquez, avec le jardin, ça fera un bon morceau. L'argent. Qu'est-ce qu'il en fera? Vous ne croyez pas que vous aviez tout pour être heureuse? Pour les gens qui le disent et qui le croient, je le crois. Pour d'autres, non? Lesquels? Vous? Mais en le pensant, d'après vous, je me trompe aussi? Oui. Quand on pense à ce que c'était avec l'agent de Cahors, on peut dire « rien n'existe à côté ». Mais c'est faux. Je n'ai jamais été séparée du bonheur de Cahors. Il a débordé sur toute ma vie. Ce n'était pas un bonheur de quelques années, c'était un bonheur fait pour durer toujours. Maintenant, c'est trop tard. Trop loin. Trop tard. Écrire des lettres sur lui, j'aurais pu. Mais à qui? À lui? Non, il n'aurait pas compris. Il aurait fallu les envoyer à n'importe qui. Mais ce n'est pas facile à trouver. C'est pourtant ça qu'il aurait fallu faire. Les envoyer à quelqu'un qui n'aurait connu ni l'agent de Cahors, ni Claire Lanne, pour que ce soit tout à fait compris. Au journal? Non. J'ai écrit au journal 2 ou 3 fois. Pour différentes raisons, mais jamais pour une raison si grave. Entre le jardin et le reste, qu'est-ce qu'il y avait? Le moment où on commençait à sentir les odeurs de cuisine. Il n'y avait plus qu'une heure avant le dîner. Il fallait penser très vite à ce qu'il fallait parce qu'on n'avait plus qu'une heure avant la fin du monde. Dans le jardin, vous savez, monsieur, j'avais un couvercle de plomb au-dessus de ma tête. Les idées que j'avais auraient dû traverser ce couvercle pour que je sois tranquille. Mais n'y arrivait que très rarement. Le plus souvent, les idées me retombaient dessus. Elles restaient sous le couvercle, à grouiller. Et c'était si pénible que plusieurs fois j'ai pensé à me supprimer pour ne plus souffrir, oui. Mais parfois, elle traversait le couvercle de plomb. Parfois, oui. Elle sortait. Pour quelques jours. Ses pensées avaient trait à quoi? À votre vie? À ma vie, elle n'aurait fait se retourner personne. Les autres auraient pu les avoir, s'en servir. J'ai eu des pensées sur le bonheur, sur les plantes en hiver, certaines plantes, certaines choses, la nourriture, la politique, l'eau, sur l'eau, les lacs froids, les fonds des lacs, les lacs du fond des lacs, sur l'eau qui boit, qui prend, qui se ferme, sur cette chose-là, l'eau, beaucoup. Sur le mélange et la séparation, beaucoup, beaucoup. Le grouillement séparé et non, vous voyez, détaché, grain par grain, mais collé aussi. Sur le grouillement multiplication et division. Sur le gâchis et tout ce qui se perd, etc., etc. Est-ce que je sais ? Sur Alfonso ? Oui, beaucoup. Sur les gens à qui il est arrivé de tuer ? Oui, mais je me trompais. Maintenant, je le sais. De ça, je ne pourrais parler qu'avec quelqu'un qui s'est arrivé aussi. Qui m'aiderait. Vous comprenez ? Avec vous ? Non. Vous auriez aimé que les autres connaissent les pensées du jardin ? Oui. J'aurais désiré prévenir les autres que j'avais des réponses pour eux. Mais comment ? Je n'étais pas assez intelligente pour l'intelligence que j'avais. Et dire cette intelligence que j'avais, je n'aurais pas pu. Pierre Lane, lui, il est trop intelligent pour l'intelligence qu'il a. Ce qui me console de mourir, c'est de ne pas avoir été assez intelligente pour l'intelligence que j'avais pendant tout ce temps. Je n'y suis jamais arrivée. Et ça a commencé quand ? Dans les classes vides, quand je faisais le ménage. Il faisait encore chaud des enfants. Je suis enfermée avec les chiffres au tableau. Et voilà que je deviens le chiffre 3. Et c'était vrai. Votre mari dit que parfois vous croyez avoir des conversations avec des passants, des commerçants. Ah, il vous a dit ça. J'inventais ces conversations. J'aimais bien qu'ils me prennent pour une folle de temps en temps, leur faire un peu peur. Quelquefois, ces conversations avaient lieu, mais jamais comme je leur racontais. Revenons au crime, vous voulez bien ? Sur cette période, je ne sais presque rien. On a dû vous prévenir. Pourquoi l'avez-vous tué ? Si j'avais su le dire, vous ne seriez pas là à m'interroger. Pour le reste, je sais. Le reste ? Si je l'ai découpé en morceaux, à vomir et à fuir, et que j'ai jeté ces morceaux dans le train, c'est que c'était un moyen de la faire disparaître. Et vous ne savez pas pourquoi vous l'avez tué ? Je ne dirais pas ça, voyez. Qu'est-ce que vous diriez ? Ça dépend de la question. On ne vous a jamais posé la bonne question sur ce crime ? Non. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait répondre à cette question, à votre avis ? Pourquoi l'avez-vous tué ? Personne. Sauf à la fin, peut-être. Vous ne cherchez pas vous-même cette bonne question ? Je ne l'ai pas trouvée. Je ne cherche pas beaucoup. Ils m'ont fait défiler des questions et je n'en ai reconnu aucune au passage. Qu'est-ce qu'elles ont de faux, ces questions-là ? Elles sont séparées. La bonne question comprendrait toutes ces questions et d'autres encore. Peut-être. Mais vous, ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai fait ça ? Oui. Vous m'intéressez, alors tout ce que vous faites m'intéresse. Oui. Mais si je n'avais pas commis ce crime, je ne vous intéresserais pas du tout. Je serais encore là, dans mon jardin, à me taire. Parfois, ma bouche était comme le ciment du banc. Quel serait, d'après vous, un exemple de bonne question ? Pas parmi celles que je pourrais vous poser, non, bien sûr, mais parmi celles, par exemple, que vous pourriez me poser. Vous poser pour quoi faire ? Par exemple, pour savoir pourquoi je vous interroge, comment vous m'intéressez, comment je suis. Je le sais, comment je vous intéresse. Comment vous êtes, je le sais déjà un peu. Pour le reste, voilà ce que je faisais avec Alfonso. Quand il passait, pour parler à Pierre du travail ou de n'importe quoi, j'allais dans le couloir ou derrière la porte et je l'écoutais. Pour vous, ça devrait être pareil. Je devrais parler loin de vous ? Oui, et à quelqu'un d'autre. Sans savoir que vous écoutez ? Sans le savoir. Il faudrait que ça arrive par hasard. On entend mieux derrière les portes ? C'est une merveille de la vie. De cette façon, j'ai vu Alfonso jusqu'au fond, où lui ne voit pas. Quand Pierre me trouvait derrière la porte, il me disait de retourner dans le jardin et d'Arda. Quelle vie ! Quelle voix avait Pierre derrière la porte ? La même que devant. Écoutez, je ne peux pas dire mieux. Si vous, vous trouvez la bonne question, je vous jure de vous répondre. Qu'est-ce qu'on dit des raisons que j'avais de la tuer ? On fait des suppositions. Comme le juge, avec ses questions. Le mot « pourquoi » est-il mieux ? Pourquoi ? Oui. On peut rester là. Alors je vous demande, pourquoi ? Pourquoi ? C'est vrai. Mais ce mot m'emporte vers vous. Vers les questions. Est-ce qu'il y avait une raison, mais qu'on ignore, une raison ignorée? Ignorée de qui en ce moment? De tous, de vous, de moi. Où est cette raison ignorée? En vous. Pourquoi? Pourquoi pas en elle? Ou dans la maison? Dans le couteau? Dans la mort? Oui, dans la mort. La folie est-elle une raison ? Peut-être. À force de chercher sans trouver, on dira que c'est la folie. Je le sais. Ne pensez pas à ça. C'est vous qui pensez. Je sais quand les gens pensent que je suis folle. Au son de la voix. Qu'est-ce que vous faisiez dans la maison ? Les courses, un jour sur deux. Mais vous vous occupiez à quelque chose. Non. Le temps passait comment ? À 100 à l'heure, comme un torrent. Votre mari dit que vous faisiez votre chambre tous les jours. Pour moi ? Je faisais ma chambre, je me lavais. Je lavais mon linge et moi. De cette façon, j'étais toujours prête, vous comprenez ? La chambre aussi, propre et coiffée, le lit fait. Je pouvais aller dans le jardin, aucune trace derrière. Vous étiez prête à quoi ? À rien. J'étais prête. Si des événements avaient dû se produire, j'étais prête, voilà. Si on était venu me chercher, si j'avais disparu, si jamais je n'étais revenue, jamais, on n'aurait rien trouvé derrière moi. Pas une trace spéciale. Rien que les traces pures. Voilà. Quoi pensez-vous ? Au jardin. C'est fini. Et Alfonso qui continue à couper du bois tandis que tout est fini. Et Pierre qui va au bureau. Je crois aussi qu'Alfonso avait tout lui aussi pour être intelligent. Et qu'il ne l'a pas été. Je ne saurais jamais pourquoi, comme pour moi. Ce que je raconte, c'est la vérité. Je crois que c'est la vérité. Moi aussi, je crois. Je pourrais ne pas m'arrêter, parler pendant un an. Et aussi bien, je pourrais m'arrêter tout de suite. Maintenant, c'est pareil. Je vous parle et je ne vous parle pas en même temps. Il y avait deux chambres au premier étage. Et au rez-de-chaussée, il y avait la salle à manger et la chambre de Marie-Thérèse. Vous vous étiez endormie avant de descendre dans sa chambre ? Du moment que je n'ai pas eu besoin d'allumer l'électricité, il devait déjà faire jour. Alors j'avais dû dormir. Je me réveillais souvent en petit jour. Impossible de me rendormir. Alors je traînais dans la maison. Toujours au rez-de-chaussée. Voilà. Il y avait du soleil entre la salle à manger et le couloir. La porte de sa chambre était ouverte. Vous l'avez vue endormie sur le côté. Elle vous tournait le dos. Oui. Vous êtes allé à la cuisine pour boire un verre d'eau. Vous avez regardé autour de vous. Oui. Au fond des assiettes, je vois le dessin des assiettes, achetées à Cahors 3 jours avant le mariage. Bazar de l'Étoile 1942. Ça recommence. Je sais que je vais être emportée dans les pensées des assiettes, vers ces choses-là. Alors voilà. Moi, j'en ai assez, vous comprenez? Je veux qu'on vienne et qu'on m'emmène. Je désire 3 ou 4 murs, une porte de fer, lit de fer et fenêtre avec grille, et enfermer Claire-Lanne là-dedans. Alors, j'ouvre la fenêtre et je casse les assiettes pour qu'on m'entende et qu'on vienne me débarrasser. Mais tout à coup, elle est là, dans le courant d'air. Elle me regarde casser les assiettes, elle sourit, elle court prévenir Pierre. Pour tout, elle prévenait Pierre. Pierre arrivait, allez, file au jardin. À la fin, j'ai pris goût au jardin. Quand était-ce? Les assiettes cassées, c'était il y a 3 ans. Ou 5. Comment votre mari a-t-il pu vous croire lorsque vous lui avez dit que Marie-Thérèse était partie pour Cahors? Oh, laissez-moi un peu. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous avez dit à votre mari quand il s'est levé? J'ai dit ce que vous venez de dire. Est-ce que votre mari a dit la vérité? Mon mari ne m'a pas cru. Personne ne m'a demandé de ses nouvelles, même pas Alfonso. Votre mari ne vous a posé aucune question? Aucune. C'est la preuve. Il ne m'a pas cru. Ce n'est pas vrai. Alors qu'est-ce qu'il a cru? À quoi ça sert de le savoir? Et Alfonso, il avait deviné d'après vous? Oui. Quand je lui ai demandé de jeter la télévision dans le puits, j'ai bien vu qu'il avait deviné. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous ne lui avez jamais demandé de jeter la télévision dans le puits. Je ne crois pas ce que vous dites. Ou bien ils mentent tous, ou bien c'est vous. Je dois confondre. Il ne parle pas, Alfonso, mais oui et non, il peut le dire. Il y a longtemps, il y a 12 ans, j'ai eu l'espoir qu'il m'aime, Alfonso. Qu'il m'emmène dans la forêt vivre avec lui. Mais cet amour ne sera jamais arrivé. Toute une nuit, une fois je l'ai attendu, j'ai écouté tous les bruits. On aurait repris l'amour, Cahors, ensemble. Mais il n'est pas venu. Ils vont tous dire que je suis folle maintenant. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ils sont de l'autre côté. À dire n'importe quoi, bavarder, sans penser, sans réfléchir. S'ils savaient ce qui s'est passé dans la cave, s'ils avaient été dans la cave même pendant 1 minute, ils se tairaient. Je ne pourrais pas dire un mot sur cette histoire. Vous étiez de leur côté avant le crime? Non, jamais. Je n'ai jamais été de leur côté. S'il m'arrivait d'y aller, par exemple, en faisant les courses, 1 jour sur 2, je faisais les courses. N'allez pas croire que je ne faisais absolument rien. Alors j'étais bien obligée de leur dire bonjour et de leur parler, mais le minimum. Après, j'en avais pour 1 heure à entendre résonner leur voix aiguë de théâtre. Vous alliez au théâtre? Quelquefois, quand on habitait à Paris, il m'a emmenée. La Traviata, c'était à Cahors, avec l'agent. Alfonso n'était pas de l'autre côté? Non, Alfonso était de mon côté, même s'il ne le savait pas. L'agent de Cahors aussi. Il était les deux pieds de mon côté, lui. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu? Bon, il est toujours à Cahors, enfermé dans cette ville, à mener l'existence qu'il aime d'un côté et de l'autre. Votre mari était-il de l'autre côté? Oui et non. Je crois qu'il était fait pour y être, mais à cause de nous, il n'y est jamais allé tout à fait. Au fond, il était de l'autre côté, lui aussi. Oui, mais voilà. Avec nous deux, il avait pris l'habitude des femmes qui circulent dans les couloirs sans dire un mot, qui sont dans le jardin sans bruit. Une fois, je revenais d'une chambre d'hôtel près de la gare de Lyon où j'étais avec l'agent de Cahors pour la dernière fois et que j'étais rentrée à toute vitesse pour qu'il ne devine rien. Je l'ai vu revenir avec sa cravate, ses lunettes, comme si de rien n'était, devant moi qui pleurais encore. Je ne pouvais pas m'arrêter, des larmes brûlantes me coulaient toutes seules. Quand ce jour-là, je l'ai vu revenir avec sa cravate, ses lunettes, son col blanc, son air de me dire sans le dire, va pleurer ailleurs, petite, si tu en as envie. Ce jour-là, j'ai compris qu'il était de l'autre côté, déjà, ce jour-là. Marie-Thérèse Bousquet était-elle de l'autre côté? À cause de son infirmité, non, elle n'y était pas. Mais si elle avait été normale, ça aurait été la reine de l'autre côté. Retenez bien ce que je viens de vous dire, la reine. Elle était sourde et muette. C'était une énorme masse de viande sourde. Mais quelquefois, des cris sortaient de son corps, qui ne venaient pas de sa gorge, mais de sa poitrine. Dans la cave, j'ai mis des lunettes noires et j'ai éteint l'électricité. J'ai éteint et j'ai mis les lunettes. Je l'avais assez vu depuis 100 ans. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Je ne parle plus comme tout à l'heure. Je ne fais plus de différence entre les phrases. Je viens de m'entendre. Je dis des grossièretés, je passe d'un sujet à l'autre. N'allez pas croire que je ne sais pas quand ça m'arrive. Je m'arrête de parler pour toujours. Voilà. Sur un mur de la cave, on a trouvé le nom d'Alfonso écrit par vous avec un morceau de charbon. Vous vous souvenez l'avoir écrit? Non. Peut-être que j'ai voulu l'appeler pour qu'il vienne à mon secours. Ça m'est arrivé d'écrire pour appeler, tout en sachant que c'était inutile. Qui, par exemple? Oh, un homme qui n'est pas revenu. Sur l'autre mur, il y avait le mot Cahors. C'est possible. Je ne me souviens plus. J'ai fait tellement de choses dans cette cave. Comment est-ce possible? Dites-moi. Vous ne pouvez pas parler de cette cave ou vous ne voulez pas? Je ne veux pas. Je ne peux pas. Je ne sais pas. Je mourrai avec les souvenirs de la cave. Ce qui s'y est passé, je l'emporterai dans ma tombe. Si les autres pensent que je suis un objet de dégoût et que tout viande me crache dessus, c'est toujours ça, pour rétablir l'équilibre de la cave. Les habitants de Viorne semblent compter plus pour vous que vous ne le dites. C'est le fond, Viorne. C'est là que j'ai vécu le plus de temps, au milieu de Viorne. Exactement au milieu, à tout savoir, jour par jour. Et un beau jour, voilà le crime. Vous étiez prête à partir pour Cahors? Oui. Je me disais qu'entre le moment où il découvrirait que c'était à Viorne que le crime avait eu lieu, et le moment où il découvrirait que c'était moi qui l'avais commis, j'avais le temps d'aller à Cahors, pour quelques jours. Je serais allée à l'hôtel Cristal. Pourquoi vous n'êtes pas partie? Vous le savez, pourquoi me le demander? Ça m'a intéressée. J'ai oublié l'heure. Qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai parlé à Alfonso tout bas. Et c'est lui qui leur a dit. Tout s'est passé très simplement. J'ai dit à Alfonso, dis-leur que c'est moi. Que je suis d'accord. Alors, Alfonso s'est avancé au milieu du café et il a dit « Ne cherchez pas davantage. C'est Claire qui a poignardé sa cousine pendant qu'elle dormait et qui ensuite l'a fait disparaître de la façon qu'on sait. » Il y a eu un silence d'abord, puis il y a eu des cris, puis l'homme m'a emmené. Alfonso dit aussi qu'il vous rencontrait parfois la nuit dans Viorne. C'est une autre question. Si lui-même n'y était pas la nuit dans Viorne, il ne m'aurait pas rencontré. C'est curieux qu'il l'ait dit. Je peux vous assurer que ce n'était pas en mauvaise part. Je le sais. Si je sortais dans Viorne la nuit, c'est que je croyais qu'il s'y passait des choses et que je devais aller les vérifier. Je croyais qu'on battait des gens à mort dans des caves. Une nuit, il y a eu des commencements d'incendie partout. Heureusement, la pluie est venue et les a éteints. Qui battait qui? La police. La police battait des étrangers dans les caves de Viorne. Ils repartaient au petit jour. Mais bien souvent, je me trompais. C'était calme. Tranquille. Très tranquille. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous parliez d'Alfonso. C'est vrai, Alfonso. Est-ce qu'il ira en prison, lui aussi? Non. J'aurais cru. Il mène sa vie d'avant, lui aussi, dans la forêt? Je ne sais pas. Vous auriez aimé qu'il aille en prison? C'est-à-dire, du moment que j'y suis, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y soit pas lui aussi. Il savait tout, depuis le début. Mais on ne l'a pas arrêté. Remarquez qu'on n'aurait pas été dans la même prison, alors ça m'est égal. Qu'est-ce que vous auriez fait à Cahors? J'aurais recommencé quelque chose, pour quelques jours. Je me serais promenée dans les rues et dans les rues. J'aurais contemplé Cahors. Mais lui, l'agent de Cahors, vous l'auriez recherché? Peut-être pas. Pourquoi? Maintenant. Puis il serait venu me prendre. Pour la tête? Ah, ne recommencez pas avec la tête. Non, je ne vous demande pas où elle est. Je voudrais savoir quel problème elle posait pour vous. De savoir quoi en faire. Où la mettre? Une tête ne se jette pas dans un train. Et le panier, où le mettre? J'ai fait tout un enterrement pour elle. Et j'ai dit ma prière des morts. Je n'ai rien trouvé d'autre. Bien que l'agent de Cahors m'ait séparé de Dieu et que je ne l'ai jamais retrouvé. Voyez, j'ai fini par dire quelque chose là-dessus. Et je ne voulais pas. C'est à ce moment-là de votre crime que vous avez compris que vous l'aviez tué? Oui, c'est à ce moment-là. Il y a eu la tache sur le cou d'abord. Avec la tache, quand je l'ai vue, elle a commencé à ressortir un peu de la mort. Puis avec la tête, quand je l'ai vue, elle est ressortie tout à fait de la mort. Le jardin me manque. Dans la cour de la prison, il n'y a pas d'herbe pour nous punir, c'est bien trouvé. Rien ne remplacera mon jardin. Je me sens folle quelquefois. C'était ridicule, cette vie. Vous vous sentez folle? Oui, la nuit, je me sens folle. J'entends des choses. Je crois qu'on bat des gens. Il m'est arrivé de le croire. Si vous n'en parliez pas à votre mari, il ne pouvait pas le deviner. Si je lui en avais parlé, le connaissant comme je le connais, il m'aurait mise à l'asile. Il dit, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Écoutez-moi. La nuit du crime, elle poussait ses cris. Et je croyais qu'elle m'empêchait de dormir. Je me suis demandé si Alfonso n'était pas dans les parages à lui faire plaisir. Vous comprenez, Alfonso, il lui faut encore des femmes. Je suis moins jeune que lui. La différence d'âge, elle a toujours existé entre nous. Jamais elle n'a diminué. Alors, je me suis demandé s'il ne s'était pas rabattu sur Marie-Thérèse Bousquet. Elle est ma cousine. Elle est de mon sang. Le nom final est le même. Cahors derrière, et on mangeait les mêmes aliments, sous le même toit, et elle était sourde et muette. Je suis descendue. Alfonso n'était pas là. Maintenant, je me tais là-dessus. Je savais qu'Alfonso n'était pas là. Ça se passait dans la cabane d'habitude, le samedi après-midi. Jamais ailleurs, jamais la nuit, alors. Le crime n'arrive pas tout de suite. Non. Il arrive lentement. Comme un tank. Et puis il s'arrête. Il est là. Voilà. Un crime vient d'être commis à Viorne. C'est Claire Lanne. On ne peut plus revenir là-dessus. Le crime est tombé sur Viorne. Il était haut perché au-dessus, et c'est là où est Viorne qu'il est tombé. Dans cette maison. Dans la cuisine de cette maison. Et celle qu'il a commis... Oh! C'est Claire Lanne. Elle seule savait l'existence de ce crime et qu'un fil le retenait au-dessus de Viorne. Voilà, monsieur, voilà. Je sais que des gens ne veulent pas entendre le nom de Claire Lanne et qu'ils préfèrent ne pas lire les journaux. Mais ils ont tort. Comment porter un corps de 100 kilos dans un train, hein? Comment couper un os sans la scie? On dit, il y avait du sang dans la cave. Mais comment éviter, vous et moi, qu'il y ait du sang? Si des recherches sont faites dans la maison, n'oubliez pas de dire que le sens des portes, quand on descend l'escalier, n'a jamais été bon. Je suis fatiguée maintenant. Mais c'est une fatigue qui me repose. Je suis très près d'être folle, peut-être. Ou morte. Ou vivante. Qui sait? Parlons du livre que votre mari vous faisait lire à voix haute chaque soir. C'était pour que je reste là. Pour me punir de penser à l'agent de Cahors. J'ai retenu certaines choses. La famine aux Indes, le Tibet, et la ville de Mexico, qui est à 45 mètres de hauteur. Les illustrés que vous chipiez à l'école, vous vous en souvenez? Très, très peu. Est-ce que je vous ai dit pour la tête où je l'avais mise? Non. Bon. Je dois garder ce secret. Je parle trop. Si j'étais dans le jardin, si vous me remettiez en liberté, les gens de Viorne viendraient me voir. Je serais obligée d'en partir. Et aller où? Il faut me garder. Je suis dans la section des criminels de droit commun. Il y a d'autres femmes qui disent... Tu as vu? La bonne femme de Viorne, et qui rit. Un avocat est venu me voir et m'a annoncé que j'allais aller dans une maison où j'oublierais ce qui s'est passé. Les autres prisonnières disent que je ne suis pas responsable. Qu'est-ce qu'elles en savent? Je me conduis très bien. On me l'a dit. J'ai refusé de voir mon mari une deuxième fois. Je sais qu'Alfonso ne viendra pas. L'existence que j'avais traînait Il n'arrivait rien. Alors qu'au départ, elle avait été si belle avec l'agent de Cahors. Vous ne dites plus rien ? On m'a donné du papier pour écrire et un porte-plume. Ça ne vous intéresse pas ? J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé le premier mot à mettre sur la page. Et pourtant, j'ai écrit aux journaux avant. Des lettres très longues, je vous l'ai dit. Vous demandiez comment garder la menthe anglaise en hiver. Ah oui ? Peut-être. C'est possible. J'écris beaucoup de lettres, 53 lettres. Ou 12. J'étais pire qu'un égout avant le crime. Maintenant, ça va mieux. Je n'ai pas eu l'idée du viaduc. J'allais vers la rivière. Je suis passée dessus. Je me suis dit, jamais. Et la tête bien enterrée dans sa cachette. Jamais ils ne me découvriront. Mais je me suis trompée. Sur le journal, il y avait le dessin. Vienne est au centre et tous les trains passent par là. Les trains sont obligés de passer par Vienne. J'habitais Vienne et je ne le savais pas. Sauf la tête, ils ont tout retrouvé, compté, rassemblé, tout. Jamais j'aurais cru que c'était possible. Vous ne dites plus rien. Maintenant, il faut que vous me disiez où est la tête. C'est pour en arriver à cette question que vous m'avez posé toutes les autres ? Non. Si c'est le juge qui vous a demandé de me poser cette question, vous n'aurez qu'à lui dire que je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que vous répondrez, vous, si je vous dis que c'est à l'asile psychiatrique de Versailles qu'ils vont me mettre ? Je vous réponds oui. Je vous ai répondu. Alors c'est que je suis folle ? Qu'est-ce que vous répondez si je vous demande si je suis folle ? Je vous réponds aussi oui. Alors vous parlez à une folle ? Oui. Peut-être que je ne sais plus où je l'ai mise, que j'ai oublié l'endroit exact. Un mot suffirait. Forêt, talus. Pourquoi ? Par curiosité. Il n'y aurait que ce mot-là qui compterait. Et vous croyez que je vais me laisser enlever ce mot ? Vous entendez ? Oui. Il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Vous ne voulez pas savoir lesquelles ? Non. Tant pis. Si je vous disais où est la tête, vous me parleriez encore ? Non. Je vois que vous êtes découragé. Si j'avais réussi à vous dire pourquoi j'ai tué cette femme, vous me parleriez encore ? Non, je ne crois pas. Vous voulez qu'on essaye de chercher encore ? Je vous ai dit qu'elle appelait Pierre pour n'importe quoi, mais qu'il n'y avait jamais de dispute entre nous. Pourquoi ? Vous le devinez ? Parce que j'avais peur qu'il me mette à l'asile. Qu'est-ce que j'ai dit qui vous a découragé tout à coup ? Il est tard, peut-être. Et l'heure est passée. Ces petits illustrés d'enfants avaient l'air de vous plaire. C'est beau, mais interdit par la loi. Heureusement que Pierre m'a prévenu. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ah, faut vous réveiller. Il m'a dit je ne sais plus quoi. Il m'a dit que c'était interdit par la loi. Quoi ? D'en chipper dans les pupitres, pas d'en lire. D'en lire, c'était lui qui nous l'interdisait, à Marie-Thérèse et à moi. Quelquefois, je tenais le vestiaire au dîner des conseillers municipaux. Je vous l'ai dit. Au rez-de-chaussée, quand on descendait l'escalier, il y avait trois portes. La première est celle de la salle à manger, la deuxième celle du couloir, la troisième celle de sa chambre.